Merci d'être fidèle à la première Radio de France. Il est au pile 23h. RTL Grand Soir. Agnès Bonfillon, Christophe Paco. Avec vous, Alexandre de Saint-Aignan, pour RTL Grand Soir. Dernière édition, ils sont accusés d'avoir commis des attentats contre des résidences secondaires en Corse. 3 nationalistes ont été incarcérés. Les faits remontent à 2012. Au total, 6 personnes ont été condamnées par la Cour d'assises de Paris, 3 avec mandat de dépôt. Et 2 autres nationalistes ont été acquittés, dont Pierre Paoli, principal accusé soupçonné d'être le chef du groupe armé clandestin FLNC, le Front de Libération Nationale Corse. Il a été relâché en raison de charges insuffisantes pour retenir la culpabilité. Un prêtre sanctionné après avoir giflé un bébé lors de son baptême. La vidéo diffusée sur Internet suscite la colère depuis plusieurs jours. L'ecclésiastique, âgé de 89 ans, a été suspendu. Il a présenté ses excuses à la famille du nourrisson. 34e jour du mouvement de grève à la SNCF. Demain, la direction prévoit d'assurer 9 TGV sur 10, la moitié des TER et des intercités et 3 transiliens sur 5. Le taux de grévistes est passé sous la barre des 10% ce matin. On devrait connaître lundi la date de l'arrêt définitif du service Autolib en région parisienne. Les négociations sont en cours et s'orientent vers une fin progressive au 31 juillet, le temps d'informer les usagers et de s'assurer que le groupe Bolloré reclasse ses 254 salariés. La Coupe du Monde de football, la Suisse renverse la Serbie. Menée 1-0, les Helvètes ont finalement renversé le score 2-1. La Nati rejoint le Brésil en tête du groupe E et pourrait se qualifier en 8e. Les Brésiliens qui se sont rassurés après leur première victoire 2-0 face au Costa Rica. Le Nigeria s'est relancé dans la course à la qualification grâce à son succès contre l'Islande 2-0 également. C'était l'un des compositeurs de la musique du film Un Indien dans la ville. Geoffrey Oryema est mort aujourd'hui. Musicien d'origine ougandaise, il avait 65 ans et résidait à Plomeur dans le Finistère. Ça faisait 40 ans qu'il s'était installé en France. Geoffrey Oryema avait enregistré un duo avec Alain Souchon en 96, Bye Bye Lady Dame. La même année, il avait remporté une victoire de la musique pour sa participation à la bande originale d'Un Indien dans la ville avec Manu Katché et Tonton David. La météo pour demain? Encore une belle journée. Rebonsoir Patricia Charbonnier. Rebonsoir à tous. Les conditions météo seront très estivales tout au long du week-end, avec quelques nuances quand même. Ce sera un petit peu plus nuageux demain sur le quart nord-est. Et puis dans l'après-midi, le ciel deviendra un petit peu plus chaotique du côté des Pyrénées, sur le sud des Alpes et sur la Corse, avec quelques averses qui se déclencheront, mais uniquement en montagne. Partout ailleurs, ce sera du soleil, avec des températures encore un petit peu fraîches localement en matinée. Seulement 5 degrés à Reims, 6 à Dunkerque, 8 à Quimper et Besançon, 10 degrés à Paris, 21 à Nice. Et dans l'après-midi, les températures seront encore très contrastées, un petit peu fraîches sur le nord-ouest, seulement 19 degrés au Havre, 22 degrés à Lille et à Brest, 23 à Paris, mais toujours estival dans le sud et en particulier du côté de la Garonne, avec 29 degrés à Bordeaux, 30 à Marseille et 31 degrés à Montauban. Ça va se réchauffer, c'est bien Patricia Charbonnier. Merci de nous avoir suivis toute cette semaine. Bon week-end à toutes et à tous. Il est grand temps, Alexandre de Saint-Aignan. Agnès? Oui. De retrouver les grosses têtes dans un instant. Bah oui. Ah oui, c'est ça. Solidarité Sida et la région Île-de-France présentent Solidays, les 20 ans, du 22 au 24 juin à Paris-Longchamp, avec DJ Snake, Chaka Ponk, Big Flo et Oli, Eddie Depreto, Nekfeu, David Guetta, IAM, Milky Chance, Juliette Armanet, Romeo Elvis, Niska, The Kills, Jane, Thérapie Taxi, L'Impératrice et beaucoup d'autres. Pour le prix d'un concert, offrez-vous un festival. Inforesa, solidays.com, un événement Solidarité Sida. Et si on parlait Renault Occasion? Alors, ce week-end au Mont-Saint-Michel, c'était comment? Très bien, on y est allé avec notre 4 jarres d'occasion. Ça vaut vraiment le coup alors? Ah oui, surtout que chez Renault Occasion, pour 1 euro de plus, j'ai eu 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie. Donc pendant 3 ans, je ne paye plus rien pour mes révisions. Et le Mont-Saint-Michel? Vous allez être fier de votre occasion. Avec Renault Occasion, bénéficiez de 3 ans d'entretien et de garantie pour 1 euro. Depuis le 1er janvier 2018, bénéficiez aussi de la prime à la conversion gouvernementale chez Renault Occasion. Conditions sur Renault.fr. Sur RTL, tout de suite, les meilleurs moments des grosses têtes. C'est à ne pas manquer. Moi, je suis désolé, monsieur Bénichou, mais je suis un peu surpris, justement, par votre accoutrement aujourd'hui face au public. D'habitude, vous êtes soigné. Ouais, faites quelque chose pour les dames du premier rang. Petite pochette assortie à la cravate. Bretelles, chemise. Et là, vous êtes en sweat jaune. Ouais, on dirait un œuf maillot. Ouais. On dirait une grosse jaune. Non, mais franchement, on a l'impression de Charles Gérard, là, aujourd'hui. Un petit poussin, il renaît. C'est un petit poussin. Ah oui, mais c'est une, quand même un rafleur. Qu'est-ce qu'il a, Nouna, me faire chier, là Mais non, mais il est printanier, c'est un polo jonqui. C'est prénom jonqui. C'est une couleur, c'est jonqui, ça, c'est printanier. Ah ouais. Oui, moi, c'est vrai, j'ai dit, on m'a dit, est-ce que tu veux que bouton d'or? J'ai dit non, je préfère jonqui. Le mec qui va au bus, qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais un polo jonqui. Alors le deuxième dit, oh ben va te faire foutre. Oh ben il n'est pas jonqué du tout. Là on peut se marrer, tu sais. Non, mais c'est les jours de congé, les jours de congé. Non mais c'est vrai, pardon, vous êtes un peu... Oui, je me suis sportif, voilà. Un peu décontracté aujourd'hui. Eh oui, et pourquoi serais-je contracté? C'est pas sportif, hein, ça, Pierre. Là on dirait que vous allez faire les qualifs à Roland-Garros en e-sport. C'est pas possible. Les qualifs en e-sport, tu t'es... Mais pour c'est pas sportif, poulette, ça, c'est pas sportif. Pour poulette, mais moi, avec les deux jambes coupées, j'ai déjà l'air dans la... Mais toi, regarde-toi. Avec deux jambes coupées, vous avez l'air d'un homme. Oui, tandis que toi, t'as beau être tout entier, regarde-moi ça. Oh putain, dis donc. Et rase-toi quand tu me parles. Je peux poser une question? Allez-y. Pour Bernadette Paternostré, qui habite Saint-Sébastien, en Loire-Atlantique. Puisque vous avez regardé la télé hier soir, vous avez peut-être vu Tom Holtz. Mais qui est Tom Holtz? Le fils de Gérard Holtz? Pas du tout. J'ai pas dit Holtz, j'ai dit Holtz. C'est l'accent des poils. Oui, oui, oui. Ah, c'est une série américaine. C'est un nain qui est le fils de Gérard Holtz et de Tom Pouce. Il était dans le débat, c'est un des soutiens d'un candidat? Pas du tout. Vous l'avez peut-être vu à la télévision dans hier soir. Série. Dans une série? Série, non. Et sur une autre chaîne, forcément. Et croyez-moi, vous le connaissez tous, Tom Hulce. H-U-L-C. Ah, c'est Amadeus. Allez-y. C'est l'acteur qui jouait Mozart dans Amadeus. Excellente réponse de Florian Gazan. Ouais, ouais. Et oui, parce qu'hier soir, sur France 5, était rediffusé le film de Milos Forman, Amadeus, un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Et personne n'a retenu le nom de cet acteur qui jouait Mozart, qui pourtant était génial. Parce qu'il faut bien dire, il a quasi rien fait après. Non. Après avoir fait c'est Mozart, marrant, hein. Il a jamais... Mais attendez, c'était Amadeus ou Mozart qu'on cherchait? C'est la même chose, Mozart. Ah, bah, oh là là. Oh merde. Et tu m'étonnes quand on voit il y a des auditeurs, ils lui ont envoyé le journal de Mickey. Au courrier, il a reçu le journal de Mickey. Non, genre, c'est normal. Ça s'appelle une vanne qui fait rire. Tu vois, et tout le monde a oh, c'est rigolo, Mozart, Amadeus. Oh, c'est rigolo. En plus, c'est pas tellement qu'ils sont cons, non. C'est qu'ils ne s'aiment pas. C'était évidemment, vous n'étiez pas sérieux, monsieur Plaza. Bah, non, évidemment, quand même, j'ai un minimum. Vous minimum. Connaissez quand même Mozart. Oui. Un minimum, 12%, tu crois que c'est minimum? Dis donc, toi tu m'as demandé de chercher un appartement, fais gaffe quand même, il va te coûter cher. Hein. Ah, c'est vrai que vous cherchez quelque chose, monsieur? Oui, alors, oui, vous avez de l'argent à cacher. Deux pièces, vous cherchez un deux pièces? Oh, t'as vendu deux pièces, un mec comme moi, deux pièces. Neuf pièces. Bon, bah, on dira que neuf c'est pièces, un neuf pièces. 9 pièces ou un costard, comment on dit. Non, tout à l'heure, en régie, vous avez dit à M. Plaza, trouvez-moi un 2 pièces Vumer. Sur la côte. Sur la côte, oui. Oui, il m'a appelé Mozart, le Mozart de l'immobilier. Mais il n'y mettait pas le prix quand même, hein. Moi j'ai entendu. Oh, tais-toi, toi. Ah, bon, tu vois, pourquoi il ne mettait pas le prix? Bah, il dit 200 000, bah, oui. Maxi 300 000. À Dakar, peut-être. Bah oui, pour une vue sur la mer. Pour une vue sur la mer. Regarde-moi oui. Ça. Alors, regarde-moi ça. Tous ces gens que tu vois là, tu dis, ils n'ont pas beaucoup de pognon, ils vont se faire chier le matin. Pour voir des faux comiques. Non. Mais pas du tout. Tu dis, je voudrais acheter un truc 300 000, les gens le font. On a l'air méprisant. Bon, oui, vous avez tellement plus de 300 000, vous venez vous faire chier ici. Moi, si j'avais 300 000, je serais chez Maxime, j'avais des danseuses. Chez Maxime. Non, mais attendez, Pierre Bénichou, je pensais pas que vous l'y achetez, je pensais que vous l'y louez, moi, simplement. Ouais. C'est loué pour un mois, 300 000. Ah d'accord, alors là on va vous trouver. Ah, oui, ah bah là oui, tout de suite vous voyez le pourcentage que vous voulez faire. Hein. Ça va être facile, ah oui. Non mais franchement, à l'achat c'est possible sur la Côte d'Azur, 200-300 000 euros. Ça dépend où, il a dit à la mer, il a pas dit forcément à Saint-Tropez, donc on peut trouver à Saint-Nardy. Saint-Tropez, quelle horreur. Mais c'est ce que je dis, on peut trouver à Bandol, Saint-Nardy-sur-Mer, je laisse ça aux marchands. Aux marchands de jeans et aux trafiquants de l'immobilier. Faut pas que vous y alliez, vous, Chantal. Mais moi, j'adore Saint-Tropez. Moi, j'y vais depuis que je suis toute petite et j'adore Saint-Tropez. Oui, oui. C'est pour ça que les gens, à chaque fois, reviennent en disant « T'as vu la gueule qu'elle a, Bardot, maintenant ?» C'est vrai qu'elle Elle est Vichy, elle est Vichy. C'est vrai, j'adore Saint-Tropez, j'adore Brigitte Bardot, j'aime bien Saint-Tropez. Voilà. Et l'ambiance, et une lumière. Ah, vous pourriez me chanter la madrague, alors? Oui, la madrague, non, mais je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Sur la plage abandonnée, coquillage et crustacé, qui l'eût cru? Ah, le cul, il déplore la fin de l'été, qui déjà s'en est allé. Ah putain, les animaux vont se tirer. Hein. Une question pour Léo Quatre-Glaces, qui habite Paris 2e. Quatre-Glaces, il s'appelle. Quatre-Glaces. Il a dû être léché ce week-end. Hein. Pardon. Il a dû être léché ce week-end, parce qu'il faisait chaud quand même. Hein. Quatre glaces répare, quatre glaces remplace. Tu sais, c'est la fameuse une pièce de 2 euros. Cédric. Avec un impact d'une pièce de 2 euros. Ah, oui. Comblé avec de la résine. Exactement. Avec notre liquide spécial, nous comblons l'impact. Ah, oui. Et en c'est plus, un truc tu payes que tu connais, rien. Ça, Christophe. Il y a longtemps qu'elle a dépassé 2 euros. Ça s'appelle une occlusion intestinale. Quelle horreur. Sauf que c'est pas de la résine. Mais vous êtes des malades. C'est plus de la taille des médailles olympiques. Vous êtes complètement taré. Le roi des anneaux, le seigneur des anneaux. Mais non, mon Dieu. Les grottes de Lascaux. On m'appelle le gouffre de Padirac. Médaille d'or du javelot. Vous êtes honteux. Vous allez trop loin, je vois plus l'image. Bon, je peux poser ma question pour monsieur Quatre-Glaces. Quatre-Glaces répare, Quatre-Glaces remplace. Bon, écoutez, franchement. Mais ils veulent qu'on répare leur voiture gratos ou quoi? C'est une question historique en plus. Ah, puisque vous avez vu monsieur Poutine face au président de la République, monsieur Macron, hier. Leur premier entretien a eu lieu, nous dit-on, dans une pièce du château de Versailles qui s'appelle le grand cabinet de. Ben, justement. De toilette. Non. Ils se sont savonnés, c'était mignon. Mais non, le grand. Ils ont chassé l'ours ensemble. Oui, c'est bien. S'il te plaît, gratte bien sous le bras, s'il te plaît. Donniette. Allez, maman Manuel. C'est pas si bon. Appelle-moi Birgitte. Ils se sont enfermés dans le cabinet. J'attends mercredi le canard WC pour voir ce qu'ils se sont dit. Alors, M. Poutine et M. Macron étaient donc dans un cabinet du château de Versailles. Cabinet, oui, on appelle ça le grand cabinet de madame. Et cette dame en question, dont je vous demande de retrouver le nom, c'est tout simplement une des 8 filles de Louis XV, née Louise Françoise de Rochechouart de Mortemart. Mais. c'est compliqué à porter. On l'a appelée aussi Madame IVe, mais ce n'est pas ainsi qu'on appelle son cabinet à Versailles. C'est le cabinet de madame. Comment s'appelait-elle? Pompadour? Pompadour, non. Mais c'est une personne qu'on connaît très bien, alors. Ah ben, vous connaissez son nom, évidemment. Et puis surtout, elle n'a pas un nom anodin, vous voyez. C'est-à-dire... C'est le cabinet de la pomponnette, un truc comme c'est ça. Est-ce que c'est un nom un peu ridicule? Non, c'est pas ridicule du tout. Puis de la maintenant. En plus, vous l'avez sûrement entendu aux informations hier, parce que tout le monde a rendu compte du premier entretien entre M. Poutine et M. Macron. Oh, je vais pas regarder, moi. Il me rase, Poutine. C'est son côté bonnet M. C'est vrai qu'il porte moi, c'est bonnet. Bonnet M, c'est un peu petit pour Bernard. C'est que le président a failli prendre quelqu'un du Front National au gouvernement. Ah bon? Et puis il a hésité parce que ça aurait trop fait Macron mariner. Bon, alors, ils sont dans un cabinet. Oui, alors, dans un cabinet. Qui alors, s'appelle le cabinet de madame... De madame... Dubarry. Non, pas Dubarry. De madame... Elle a un nom de foie gras. Oh non, pas un nom de foie gras. Elle a écrit des livres, elle n'est pas... Ah non, elle n'a pas écrit Elle a un nom de fleur. Ah non, du tout. Elle a donné son nom à une rue, peut-être. Non. Elle est juste connue pour les chiottes. C'est une mondaine. Pardon. Elle est juste connue pour les chiottes, en fait. Mais non, enfin non, elle n'est pas connue pour les chiottes. Non, un cabinet, c'est une pièce. C'est une expression. Merci du tuyau. Un boudoir, par exemple. Alors quoi, un boudoir? Le cabinet boudoir. Non, pas un boudoir. Non, c'est son nom. les biscuits, les boudoirs. C'est ainsi qu'on l'a appelée. Elle était la fille, une des huit filles de Louis XV et de Marie Leszczynska, vous voyez. Oui. Et elle avait un nom qui sonnait russe. Leszczynska, c'est exquis. Est-ce qu'elle avait un nom qui sonnait russe? Pas du tout. On l'a appelée d'abord Madame Quatrième, car c'était la quatrième des filles. Ouais. Et puis, ses sœurs, finalement, ont décidé de l'appeler. Et c'est ainsi qu'on l'a appelée à Versailles pendant... Madame le Premier. Ah, de la cadette. Pendant tout le reste de sa vie. Madame Première. Le cabinet de la cadette. C'est un mot, c'est pas un nom propre. Jusqu'à sa mort en Italie à 66 ans, on l'a appelée Madame. Madame la douceur. Non, mais écoutez. Madame Trogneux. Mais non. Est-ce que c'est Madame là quelque chose? Quelque chose qui sonne français, qui sonne positif. Madame la patrie, le non, cabinet de Madame la patrie. Le cassoulet. Non. La Duplessis. Madame fraternité. Non. Madame égalité. Madame la France. Madame Marianne. Qu'est-ce que vous avez dit? Madame la France. Ça, c'est beau, voyez, Jean-Philippe. Madame la France. C'est pas ça. Mais ce n'est pas ça. Madame Liberté. Ah, on se rapproche. Madame RTL. Enfin... Ah bah le cabinet de Madame RTL, j'y vais tous les matins. Madame féministe. Non. Oui, oui. Ah, le cabinet fémène. Mais non, écoutez. Sûrement. Oui. Marie Salope. Mais non. Mais ça va pas. On est quand même là. Franchement, on est au 18e siècle. Ouais. Elle est née en 1733. Elle est morte en 1790. Madame Révolution. Non, mais ah, on se rapproche. C'est une idée pas mal, hein, ça. Madame la Rébellion. Quand même, je pensais que vous aviez entendu aux informations. Sans culotte. Madame sans culotte. Qui a dit Madame sans culotte? C'est pas ça. Mais non, mais c'est trop tôt. Madame le changement, c'est maintenant. Il vous reste 30 secondes à peine. Ah, le cabinet Hollande. Mais non. Madame String. Madame String. Madame Plaisir. Pardon? Madame Plaisir. Volupté. Madame Volupté, non. Madame Combat. Mais non. Séduction. Mais non. Madame Sensualité. Mais vous connaissez son nom. Madame Gros Cul. Madame Illusion. Mais non, enfin voyons. Écoutez, je pensais qu'on allait distribuer des chèques, mais pas... Poudre. Le salon de la poudre. Mais le non. Cabinet poudré. Madame. Le cabinet poudré. Écoutez, tant pis, voilà un chèque. Oh, mais ben, je ne sais pas. Un chèque pour Monsieur Léo, 4 glaces. 4 glaces répare, 4 glaces en place. Oh les mecs. Le pauvre. Bah, il va toucher plus de 2 euros, 300 euros à Monsieur Quatre-Glace. Ah, ben ah oui, c'est le cabinet de Madame Victoire. Dire qu'il y avait une place qui s'appelait comme ça à Paris. Madame Victoire, la fille de Louis XV, a un cabinet à Versailles. Vous savez que j'ai failli me faire engueuler par Pierre Bénichoux qui vient d'arriver en retard, comme d'habitude. Hein, ouais. Alors que j'invite Sophie Davant pour lui. Il s'installe pendant le générique, je lui fais signe de mettre son casque et c'est moi qui me fais engueuler. Non, et franchement, vous rendez compte un peu de la mauvaise foi que vous, de votre personnage. Ah oui, monsieur. Personnage, c'est vraiment lui. Moi, je le connais personnellement. C'est mon ami. Il n'a pas eu le temps de... Ami avec vous, la grosse, là. Moi, j'avoue. Alors, excusez-moi. Alors, vous faites des blagues sur mon soi-disant bon point, mais celui qui a les boutons de la chemise défait, c'est vous, de monsieur lui Bénichoux. Attacher les boutons parce qu'il, c'est un piège, n'y va pas, Sophie, c'est un piège. Bon, à ce moment-là, je peux me permettre? Mais oui, bien oh là, sûr. Mon Dieu. Oh là, ça commence oh bien. Là. Oh là là, Sophie Davant est en train de reboutonner Pierre Bénichoux. Eh oui. C'est marrant, elle devient auxiliaire de vie maintenant. Dites un mot gentil en tout cas, Madame Davant. Qui je vient. Je l'ai déjà dit et elle sait à quel point je l'aime. C'est votre genre d'homme, Monsieur Bénichoux, Sophie Davant. Oui, j'aime bien les hommes avec une certaine maturité. J'aime ce oui de politesse. Oui. Non, mais j'aime les hommes matures. J'aime les hommes matures, j'aime les hommes intelligents, vifs et drôles. Bah, pour moi, intelligent, pour moi, drôle, ça va. Non. Mais mature, pas du tout. Mature pas, mature beaucoup vous. Vous pour mature moi, énormément. L'humour et l'humour et le charme comptent avant tout. C'est trop, me disait-il, c'est trop de la moitié, je ne mérite pas de vous faire pitié. Oh, en plus. Hein? Magnifique. C'est Tartuffe, c'est rien. Où est ma cravate? Est-ce que je peux passer à une première citation, justement? Car vous le savez, Sophie Davant, il y a des questions aux grosses têtes. Il suffit d'y répondre. Voici une première citation, toute simple, hein, pour Axel Gillet, qui habite Paris 1er arrondissement, qui a dit « C'est pas possible, pour être aussi con, t'as appris. » Pierre Bénichoux. Pierre Bénichoux, non. C'est pas une brève de comptoir de Goriot? Non, c'est pas de Goriot. Peut-être même que ça a été dit ici aux grosses têtes. Jean-Yann. Et c'est Jean-Yann. Bonne réponse de Titoff. Une autre citation, plus littéraire peut-être, pour Guillaume Joubert, qui habite Meaux, qui a dit « C'est étonnant comme la jalousie qui passe son temps à faire des petites suppositions dans le faux a peu d'imagination quand il s'agit de découvrir le vrai. » Est-ce que vous avez compris la citation? Je passe le ralenti, là. Ça, parce que je vous la refais autrement. C'est-à-dire qu'on est souvent jaloux pour des conneries, oui, alors qu'on devrait l'être pour des choses pour lesquelles on n'est pas forcément au courant. D'accord. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire. C'est moins bien dit par moi, mais non, c'est mais ça que ça veut dire. Un homme ou une femme? C'est un avantage qu'on comprend. C'est un homme qui a dit « C'est étonnant, comme la jalousie qui passe son temps à faire des petites suppositions dans le faux, a peu d'imagination quand il s'agit de découvrir un le vrai. » Un écrivain? Un écrivain, oui. Jean d'Ormesson, non. 19e? Alors, c'est quelqu'un du 19e et du 20e à la fois. Romancier? Romancier, vraiment à cheval entre les deux siècles. Zola? Jules Renard? Jules Renard, non. Alors, à cheval... Feydeau? Feydeau, non. Oh non, plus grand que ça, quand même. Plus grand? Plus grand. D'ailleurs, le style s'y retrouve, si vous écoutiez vraiment... Proust? Et c'est Proust. Bonne réponse de Florian Gazan. Marcel Proust. Ah, il est fort, ce Gazan, quand même. Hein. Non, ça... Là, vous m'avez mis une équipe de choc. Hein. Là, pour mes débuts, merci Laurent, parce que là, franchement, attendez, je vais essayer de trouver une citation de William Lémergie, si vous voulez. qui a dit casse-toi, tu me fais chier, t'es viré. Une fois par jour. Dites, il a 70 ans cette année, William Lémergie. Ouais, c'est sympa de le rappeler pour lui. Hein. Non, parce que ce matin, je vais vous dire, dans la presse, il y a tout un article sur ceux qui auront 70 ans cette année. Et il y figure avec Julien Clerc, Michel Sardou, enfin des gens auxquels on ne s'attend pas parce qu'on se voit pas, on ne se voit pas vieillir soi-même. Mais comme on ne se voit pas vieillir, on n'imagine pas que les autres vont avoir 70 ans. Et ce serait que l'énergie, il ne les fait pas, quoi. Non, il porte beau, comme on dit. Ah, on est d'accord. Oui. Julien Clerc aussi, hein. Et Julien Clerc aussi. Ah, Julien Clerc aussi, oui. Voilà. Moi, je trouve qu'ils ont l'air de leur effigie au musée Grévin. Moi, je trouve tellement... ils sont ravinés par l'amaigrissement. Ils sont terrifiés par la peur de pas durer un an de plus. Moi, je crois qu'il faut s'arrêter à 54 ans, 55 ans, comme moi. Je me suis arrêté il y a 2 ans. Je suis très content. Vous êtes arrêté de maigrir à 54 ans, c'est ça? Non, s'ils sont... Non, mais on n'est pas là pour balancer les âges, franchement. Non, c'est bien sûr. Hein, Titoff? Ben, oui, moi, tout va bien. Je suis le plus jeune de l'équipe. C'est pas vrai. Non, j'ai oublié Jean-Baptiste. Moi, ouais, je me demande si vous pipotez pas sur votre âge, d'ailleurs. Non, tiens, attendez. Parce que vous passez pour le gamin de service, là, dans les voisins, le mec aurait 20 ans. Ça sent le 35 piges, ça. Ouais. Jalousie. Il se coiffe pas. Ouais. Il met des pulls dégueulasses. Non, il est super, mon pull. C'est quoi votre vrai âge? Dans j'ai la série. J'ai 33. Dans la série, j'ai 25. Et en vrai? 33. Et en vrai, 33. 33 ouais. Et en vrai 35. 67. C'est un joueur africain. Non, mais l'âge, peu importe, vous avez raison, Sophie. Vous allez me demander mon âge? Ah non, oh, non. Oh, oh là là, d'accord. On connaît la durée du Téléthon. Hein. Non, on te le demandera pas, il y a Wikipédia, t'inquiète pas. Restez bien sur RTL. Laurent Ruquier, les grosses têtes. Et si on parlait de Renault Pro Plus avec Arnaud, plâtrier? Quand vous dites tout inclus pour mon master, ça inclut vraiment tout? Oui, EasyLock Pro Plus est une location longue durée qui inclut un véhicule de remplacement, l'entretien, même le changement des plaquettes et des pneus. Et vous dites aussi tout équipé? Tout à fait. Nous avons plus de 800 master grand confort disponibles tout de suite. Tout inclus, tout équipé et tout de suite. Ça, c'est pro. Dans la limite des stocks disponibles, voire conditions en concession ou sur Renault.fr. Yeah. this crazy game. Someone's always left out in the rain. Is there a chance that we can make it? Just keep it real, cause we can't fake it, yeah. Cause you and I can't take this anymore. We've got to keep our feet right on the floor. There's no more secrets, no more lying. Vous avez une petite histoire à nous raconter, Christina, parce que je sais que vous adorez raconter les histoires. Alors, c'est une mamie qui était en train de mourir dans son lit avec papy, qui est son mari, qui lui tenait la main avec beaucoup, beaucoup de tendresse. Et puis, voilà, et mamie, elle a dit, va dans, c'est le grenier, hein, va dans le grenier chercher en dessous du troisième, il y a un trou, tu enlèves, il y a quelque chose là-bas. Et puis, il va là-bas, il monte et tout, il cherche le trou et tout, il lève, et il trouve 350 000 euros. Oh là là, il comprend pas, il descend, il est tout content et tout, il descend. Et il a dit, oh là là, mais comment ça se fait qu'il y a trois œufs et 150 000 euros? Ah, parce que à chaque fois qu'on faisait l'amour et que je ne jouis pas, je mettais un œuf dans une boîte. Alors, il était tout content. Et il a dit, oh là là, donc ça veut dire que tu n'as pas joui juste trois fois, puisqu'il y a trois œufs. Et c'est quoi les 150 euros et 150 000 euros? Elle a dit, parce qu'à chaque fois que j'avais six œufs, je les vendais dans le marché. Ah, c'est mignon. Non, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on se marre au Brésil, hein? C'est un gars, il vend sur les marchés, il vend des matelas et des culottes, et il rentre à la maison, le premier jour de vente, il fait « Ah chérie, dis donc, ça s'annonce bien, j'ai vendu deux matelas, 50 culottes, ça nous fait 500 euros », et la gonzesse, il fait « Ben moi, avec un matelas et 100 culottes, 1500 balles ». Ah oui, on est un peu dans le même esprit. Ces deux clochards, ils dorment sous un pont, puis à tâtons, elle cherche un truc, et puis elle sent quelque chose de dur. Elle se réveille, elle fait « Mais chérie, tu bandes ?» Non, je chie. C'est la même chose. C'est un vieux clodo. Il est là. Il a fait la manche toute la journée. C'est le soir. Il va voir une pute et puis il dit, mais frère, bien sûr, mais quand même. Elle fait, mais t'es trop vieux. Tu peux pas quand même. Bah, j'ai 50 euros. Bon, on va essayer pendant 20 minutes. Elle essaye de le pomper. Il y arrive pas. Elle fait, tu vois, t'y arrives pas. Tu peux pas. Il fait, c'est pas grave. Maintenant, elle est toute propre. Bernard, faites quelque chose. Ben c'est Bit et Foun qui vont au restaurant. Qu'est-ce qu'ils payent l'addition? C'est Foun parce que Bit est un peu raide et Foun a toujours un peu de liquide sur elle. Oh oui. Oh oui. Oh non. Oh non, mais c'est voilà, j'ai relevé le niveau. Oh non, mais moi, alors, j'ose plus rien raconter. Alors. C'est Nietzsche qui rencontre Freud et qui lui fait « Et toi, ça va ?» Voilà, là, bon. Vous avez compris pourquoi il faut raconter que des histoires de cul, parce que les autres, ça marche pas. Ah. Une question pour Monsieur Antoine Monet. Stéphane Plaza, vous allez pouvoir maintenant répondre, puisque manifestement, vous posez des questions à propos des réponses de vos camarades. Vous pensez qu'ils trichent, c'est ça? Non, je pensais que vous les aviez un petit peu aidés pour le début, pour pas qu'ils se sentent isolés par rapport à moi. Non. L'empereur Dioclétien, est-ce que vous connaissez? Ça vous dit quelque chose, l'empereur Dioclétien? Avant Jésus-Christ. Oui, si ça peut te rassurer, moi non plus. Hein. C'est un Romain. En 288... Ah oui, je l'aurais pas, celle-là. Quel jour? Oh, je sais pas quel jour, mais en 288, l'empereur Dioclétien donna un ordre que tout le monde connaît encore aujourd'hui. Lequel? Lève-toi. Non. Marche. Non, non, pas, c'est pas la phrase que je vous demande. Ah bon, bah. C'est, attaque. Amène la babale. Va chercher. Bah non, mais il faisait la guerre à cette époque-là. J'avais oublié. J'avais oublié qu'elle était bonne aux grosses têtes. Il n'y a pas qu'aux grosses têtes, Laurent. Il n'a pas demandé de tuer tous les enfants. Non, non, il a donné un ordre à des soldats, un ordre qui reste célèbre aujourd'hui parce qu'on connaît tous évidemment les conséquences de cet ordre. C'est ça que je vous demande en fait, c'est les conséquences de l'ordre donné par l'empereur Dioclétien en 288. C'était un ordre belliqueux. Ou plutôt pacifiste? Ah non, c'était pas pacifiste. Bah, c'était forcément belliqueux. De se tuer entre eux? De se tuer entre, de se tuer entre eux, non. De mais tuer pas loin en même temps, parce qu'il a donné un ordre à des soldats, un ordre étonnant, puisque presque entre eux... De tuer leur famille. Allez-y. Marche ou crève? Pas du tout. De tuer leur famille pour plus n'avoir d'attache? Leur famille, non. Leurs femmes, enfants. Leurs femmes. Non, je peux vous aider, leur chef en fait. Il a demandé à ses soldats de tuer leur chef maintenant. Attendez, à ses propres soldats de tuer leur propre chef ou à ses soldats de tuer le chef des autres? Non, non, leur propre chef à eux. Expliquez-lui, Jean-Philippe Janssen. Vous voyez, il a donné un ordre. Il a dit... Qui ça, il? Bloque tes seins, il a dit, il faut que tu ailles tuer ton chef à ses soldats, hein, c'est ça? Oui. Et après, voilà. On s'étonne que je peux pas répondre, personne comprend la question. Alors évidemment. Mais si c'est pourtant c'était un ça. Chef, c'était bon. Un chef très connu. Dioclétien est un empereur qui en 288 va avoir une catégorie de soldats et il demande à cette catégorie de soldats de tuer leur propre chef. Est-ce qu'il faut qu'on trouve la catégorie de soldats pour Ah, ça peut vous aider. Les chefs en question étaient quelqu'un de très connu? Ah oui, c'est ce que je vous demande évidemment. Ce sont les conséquences de cet ordre donné par l'empereur Dioclétien. C'était un Romain aussi? Ah, c'était un Romain, oui. Le général, est-ce qu'il était général? Non, il n'était pas général. Étonnamment, je vais vous dire, il était né à Narbonne. Mais ensuite... Ah, il chantait, il y a de la joie. Non. Non, mais remarquez, il y a un lien quand même. Ah. Tiens, maintenant que vous me le dites. Ah. Est-ce que ça a donné lieu à une expression populaire? Oh, pas seulement une expression, des tas d'œuvres même. La catégorie de soldats, c'était des légionnaires? Des légionnaires, non. Non. C'est pas le mot hécatombe qui en découle? Du tout. C'était pas des pharaons? Oh, des pharaons, non. Non, il y en avait à plus. Rome, très peu. Non. Ben oui, mais il aurait pu vouloir tuer ceux d'en face. Ils étaient passés au pharaïode déjà. L'actualité, c'est culturel, c'est pas politique, c'est culturel. C'est culturel. C'est tuer les chefs qui ont passé un certain âge. Écoutez, franchement, quand vous allez savoir, vous allez avoir honte. Avec les cinémas. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit mordis l'œil. Si vous trouviez, mais on s'en fout de ce qu'il leur a dit. C'est pas ça la question. C'est le chef qu'il faut trouver. Il faut trouver le nom du chef. C'était les primaires. Si peut-être vous trouvez la catégorie de soldats, ça va vous aider. Des ceinturions? Non, non. Des fantassins? Non, mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Quelle arme ils avaient, par exemple? Ah, ils montaient à cheval. Non, ils montaient pas à cheval. La catapulte. Des arcs. Ils avaient des flèches, des arcs. Les archers. Des Indiens. Les archers. C'est comme ça qu'on surnomme Marcella, la catapulte. Oh, c'est moche. Je ne vous permets pas. Des archers. Des archers. Des archers. Bravo. D'accord, alors c'est... Mais c'est trop tard. Voilà. Et c'était quoi la réponse à votre avis? C'était faire flèche de tout bois. Alors effectivement, ils ont envoyé des flèches, les archers. Qu'est-ce qu'il a demandé aux tirer archers? À coup sûr. De tirer, mais cirque. Dans le mille. Mais non, mais tirer sur qui, à votre avis? Sur eux-mêmes, sur les chefs. Sur lui, monsieur, sur lui. Mais non. Ben écoutez, alors vraiment, vous êtes nuls. Hein. Bah, pense que vous êtes grosse tête, je suis très fier de donner 300 euros à Antoine Monet de Marc en Barœul. L'empereur Dioclétien a demandé à des soldats qui étaient tous archers de tirer sur leur chef, qui était évidemment Saint Sébastien, le martyr de Saint Sébastien. Tout ça pour ça. Oh bah, je suis désolé, vous connaissez quand même pas cette image magnifique. Mais c'est une image sadomasochiste, ça c'est une image idolâtrée par les homosexuels. Exact, c'est pour ça quand vous avez parlé de Charles Trenet que j'ai dit il y a un lien, voyez, parce qu'effectivement il était né à Narbonne, Saint Sébastien, chef des archers de l'empereur Dioclétien, et à un moment donné comme il qu'est-ce qu'il y a, monsieur Gueuluc? Non, j'ai ri parce que j'ai l'impression que c'est une anecdote que je raconte dans mon bouquin qui sort maintenant, L'art et le chat. Parce qu'il y a une reproduction du martyr de Saint-Sébastien. Et vous en souveniez pas? Mais non, parce que je l'ai fait il y a un an et donc c'est un peu loin. Mais maintenant que vous le dites, c'est bien possible. J'ai honte pour vous, monsieur Gueluc. Franchement, j'ai honte. Moi, j'ai vu le martyr de Belle et Sébastien, parce que le gamin était zoophile, mais ça n'avait rien à voir avec... Non, mais... Laurent, je remarque que personne n'a trouvé. C'est vrai, vous avez raison, mais enfin, quand même, il aura demandé en plus à ses soldats, à l'empereur, c'est intéressant comme anecdote, parce que tout le monde connaît cette représentation, évidemment, de Saint-Sébastien. Vous ne connaissez pas Saint-Sébastien? On a inventé les mots fléchés après cette toile. Mais Sébastien, c'est pas un nom de chef. Comment ça, c'est pas un nom de chef? Non, un saint. Vous voulez que je vous raconte un peu l'histoire? Oui, moi non, on va voter, moi non. Ah oui, moi je suis si. Mais si, c'est passionnant. Moi je suis avide de culture. D'abord, pourquoi on en parle aujourd'hui dans la presse? Tout simplement parce qu'on vient de retrouver un dessin de Léonard de Vinci. On n'est pas encore sûr que ce soit de Léonard de 15 Vinci. 15 millions. Mais exactement. Qui peut-être va pouvoir être vendu à 15 millions. Quand c'est les chiffres, vous savez. Je vous ai laissé un peu pour essayer que vous répondiez. Vous répondez pas, je réponds. C'est je participe. Un médecin français. Français à la retraite qui ignorait même qu'il avait un dessin de Léonard de Vinci, qui a apporté à la maison de vente Tajan à Paris un dessin de Léonard. Il a apporté plusieurs dessins, mais il n'y en a qu'un seul qui pourrait être signé Léonard de Vinci. Et ce dessin représente Saint-Sébastien, le martyr de Saint-Sébastien, mais avant que les archers lui aient envoyé leurs flèches, vous voyez. Et ce qui est fou, c'est que l'empereur Dioclétien, qu'est-ce qu'il a dit aux archers? Tuez-le! Mais évitez les parties vitales. Ce qui est fou quand même. Ah oui, pour le faire souffrir plus longtemps. Il souffre. Laissé pour mort, il a finalement été sauvé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a. Il était au ciel? Non, non. Il s'est envolé? Non, non, non, il est réapparu au palais vivant. Absolument. Il a traversé par les flèches. Il a bu un grand verre d'eau et tout a coulé par les trous des flèches. Et donc, il fumait du pétard là, à l'époque aussi. Ah hein. Non, je vous jure que c'est vrai. Il est revenu vivant. Et là, évidemment, ils l'ont achevé. L'empereur a dit bon, bah, achevez-moi ça puisqu'il n'est pas mort. Il était guéri de ses blessures quand il est retourné au palais impérial. Oh. Et là, il s'est fait battre à coups de verge. C'est dans quelle ville ça? C'est dans quelle ville? Mais ça, j'ai vu le document historique sur Pink TV. Mais non, mais... Il est où le château? Oh, tu peux pas trouver. Où sont les verges? C'est le château de la Tobe, c'est dans la Creuse. C'est dans un trou perdu, tu peux pas savoir. Dioclétien a demandé aux soldats de le battre à coups de verge, ouais. Puisque ça n'avait pas marché avec les flèches, jusqu'à ce que mort s'en suive. Et ensuite, son corps a été jeté aux égouts pour empêcher les chrétiens, évidemment, de vénérer Saint-Sébastien. Bah, il n'est pas mort avec les coups de verge, donc ils l'ont demandé de le finir à coups de couille. Et sa dépouille est aujourd'hui enterrée à Rome auprès des apôtres Pierre et Paul. Voilà, vous en savez plus sur Saint-Sébastien. Et c'est 300 euros pour notre auditeur. Tant mieux. Et si on parlait Renault Occasion? Chérie, montre à Martin nos photos de vacances. Alors ça, c'est notre Clio d'occasion, devant la plage de Biarritz. Et là, notre Clio d'occasion dans un village typique plus au sud. Ça a l'air beau, ce village. Enfin, derrière votre Clio. Et là, c'était la soirée tapas derrière notre Clio d'occasion. Ah oui, on peut pas la rater, là. Vous allez être fiers de votre occasion. Avec Renault Occasion, bénéficiez de 3 ans d'entretien et de garantie pour 1 euro. Depuis le 1er janvier 2018, bénéficiez aussi de la prime à la conversion gouvernementale chez Renault Occasion. Conditions sur Renault.fr. Solidarité Sida et la région Île-de-France présentent Solidays, les 20 ans, du 22 au 24 juin à Paris-Longchamp. Avec DJ Snake, Chaka Ponk, Big Flo et Oli, Eddie De Preto, Nekfeu, David Guetta, IAM, Milky Chance, Juliette Armanet, Romeo Elvis, Niska, The Kills, Jane, Thérapie Taxi, L'Impératrice et beaucoup d'autres. Pour le prix d'un concert, offrez-vous un festival. Inforesa, solidays.com. Un événement solidaire. Solidarité Sida. RTL, Laurent Ruquier et les grosses têtes. La question concerne un opéra, célèbre opéra, Orfeo, qui sera d'ailleurs diffusé samedi prochain sur France 3, sur le service public. Bon, quelle heure? Un peu tard, à minuit 25. Vous voyez, je fais même de la publicité pour ma concurrence d'ailleurs, parce que c'est pendant, on n'est pas couché. Oui, vraiment, tu prends des risques. Inconsidérés. C'est sûr que... Non, tu es fou, Laurent, là. Orfeo, d'ailleurs, qui est un opéra célèbre. Pourquoi? Parce que c'est le premier opéra qui a été joué chez nous en France. L'opéra de Luigi Rossi, parce qu'il y a plusieurs versions d'Orfeo. Il y a aussi... la version de Monteverdi, mais là je vous parle de la première version signée le Luigi Rossi. C'est ma préférée. La question porte, je vous rassure, sur le thème évidemment, l'argument principal de l'histoire d'Orphée. C'est très très facile car ça c'est de la culture générale évidemment. Je vous demande tout simplement, qui Orphée tente-t-il de sauver? Eurydice. Bonne réponse de Jean-Baptiste Chelmerdine et Jean-Jacques Perroni. J'ai perdu mon Eurydice, rien n'égale ma douleur. C'est ça qu'il chante, Orphée. Et qu'est-ce qu'il doit pas faire? La regarder, Eurydice. Faut pas qu'il se retourne. Ouais. Faut pas qu'il se retourne. Eurydice est mordu par un serpent dans un premier temps. Hein. Oui. Il décide d'aller aux enfers pour la sauver. Et là, il y a un formidable chant. Hein. Orphée, c'est de l'opéra. Hein. Il chante « Tu es morte, ma vie, et je respire encore ». Vous imaginez un peu quand même, c'est beau. Mais quand oui, même. Ça dure trois ans. Beau, ça. Je sais pas. Après, le passage avec le labyrinthe aussi. Non, là, mais vous avez tous vu quand même le film de Cocteau, non, d'Orphée, avec François Perrier dans le rôle de... Du motard. Non, c'est un motard qui vient. Ah, qu'est-ce que je disais? J'ai pas dit une connerie, il est dans le rôle du motard. François Perrier, il était le motard ou il était... Non, et c'est Jean-Marie. Voilà un mec qui était beau. Et qui Jean-Marie. Était Eurydice, alors Eurydice, non, je sais Cazares. Plus. Oui, Maria Cazares. J'ai quand même une question subsidiaire pour Gérard Delabre de Lambersart, parce que c'est vrai que Eurydice est arrivé très vite. D'ailleurs, bravo, monsieur Chelmerdine, tout de même. Faut le signaler. Il a trouvé en même temps que Perroni, Eurydice. Mais plus compliqué, alors, puisque touché par la musique d'Orphée, la reine des enfers, épouse de Pluton, fait partie aussi de cette histoire. Mais comment s'appelle la reine des enfers, épouse de Pluton? Mylène Farmer? Non. Est-ce que son nom est connu? Comment? Clytemnestre? Non. Ah, c'est un prénom qui revient à la mode chez les enfants. Hein. Mais non. Ah si, si, si. La reine des enfers. Épouse de Pluton. Donc c'est un prénom en poulet, un vieux prénom. Monique. Monique, la reine des enfers, ça fait comme un peu bidon. Monique, ça la reine des enfers, c'est comme échangiste un peu, tu sais. C'est elle hein, qui autorise Eurydice à quitter les enfers. Elle convainc son mari Pluton de la laisser partir, voyez. C'est un prénom qui revient à la mode. Ah oui, ah, oui. Marinette. Adèle. Pas Marinette. Vous voyez, Marinette, la reine des enfers. Oui. Mais ça évoque l'enfer ou. Ah, ça évoque l'enfer. C'est un prénom courant, je vous jure. Non, mais non. L'épouse de Pluton qui laisse partir. Eurydice parce qu'elle est touchée par la musique d'Orphée, c'est Manon. Alors, effectivement, c'est sous une condition, c'est qu'Orphée ne doit pas se retourner pendant qu'Eurydice le suit sur le chemin du retour à la lumière et à la vie. Et elle se retourne ou pas? Eh oui, il se retourne. Oui. Oh, il se retourne, il voit sa femme disparaître, découragé, il retourne sur Terre. Et accablé de chagrin, Orphée est emmené au ciel par son papa, Apollon. Ne me raconte pas la fin, parce que je vais regarder moi cet opéra. Non, parce que je vous raconte tout pour que vous restiez devant On n'est pas couché. Évidemment. Alors, Louison. Ça n'a pas une consonance grecque. Ah non, pas du tout. Non, c'est un prénom qui sonne bien français, même, et qui. Oh, vous voyez qui. Marceline. Gertrude. On se rapproche. Gertrude. Oui. C'est pas Marceline, mais. Odeline. Gersande. Mais ça rime. Oui. Pascaline. Pascaline, non. Proserpine. Proserpine. Oh, bonne réponse de Jean-Baptiste Chelmerdine. Proserpine. C'était pas facile. Quand il a dit que c'était un nom qui revenait à la mode, il y en avait de plus en plus. C'est vrai que j'ai croisé. Proserpine. Trois Proserpines en arrivant. Quand on demande un autographe, avant de demander le nom, je vais pour Proserpine. C'est un mensonge, ça, que tu as dit, là. Oui, ça, c'est vrai. Attendez, je vous jure que ça revient à la mode. Ah, ouais. Il y en a eu une. Dans votre quartier, sûrement. Il y en a eu une l'année dernière. Il n'y a plus de Manon, quoi. Une augmentation de 100%, on est passé de 0 à 1. Proserpine. Attendez, on va faire un sondage. Et combien dans la salle connaissent de Proserpine? Si je vous en supplie. Il levait la main, juste pour me faire plaisir. Il n'y en a pas un. Oh là là. Non mais c'est vrai, parce que les mecs qu'on appelle Proverbie de la Chine. Une question pour Lilian Berta qui habite Bouvigny-Boueffle, c'est dans le Pas-de-Calais. Oh, question... Bouvigny-Boueffle. Oui, c'est son nom, c'est le Bovigny. Nom du village. Bouvigny-Boueffle, ça s'écrit Boueffle. Bonjour, je suis à Bouvigny. Bouvigny, voilà, dans le Pas-de-Calais. Ça vous va, ça, comme ça, monsieur Beaugrand? Oui, je préfère, merci beaucoup. Un peu de précision. Et alors? Alors il se passe quoi maintenant? Je suis en train de m'endormir sur ma question. Excusez-nous. Il nous fait une bénichoute. Elle a apporté dans ses bagages tous les maux de l'humanité, la vieillesse, la maladie, la guerre, la famine, la misère, la folie, la mort, le vice, la tromperie, la passion, l'orgueil, mais c'est vrai aussi, heureusement, l'espérance. De qui s'agit-il ? Gaïa ? Pandore ? Pandore ! Pandore ! Excellente réponse de Caroline Diamant. Pandore ! Eh oui ! Et sa boîte ? La fameuse boîte de Pandore qu'elle n'aurait jamais dû ouvrir. Comme Régine. Quoi, qu'est-ce que t'as dit ? Comme Régine. Ouvre la bouche, ferme les yeux, tu verras, ça glissera mieux. Ouvre la bouche, ferme les yeux. L'important, c'est si les mots chantent un peu, t'en fais donc pas pour si peu. Ouvre la bouche, ferme les yeux. C'est pas la naturiste qui chantait ça, là ? Comment elle s'appelle, elle ? Rika Zaraï ? La naturiste ? Non, elle... Elle sans chemise, sans pantalon. Elle, la naturopathe, mais c'est pas la naturiste. C'est pas parce qu'elle chantait. C'est pas parce qu'elle se mettait le cul dans une bassine qu'elle était naturiste. Oui, elle était naturopathe. Naturopathe, pas naturiste. Je suis pas prêt d'aller au Cap d'Agde. Elle était naturopathe, mais jusqu'au pâte. Hein. Elle nous écoute, Rika. Elle aussi, faisait des bains de siège. Eh oui, on aime beaucoup Rika. Ah oui, on aime beaucoup. Ah ouais. Moi, j'ai pas une troisième vieille à citer. Là. Ben, on embrasse Nana Mouskouri aussi. Oui. On adore. Et là, Nadine de Rothschild, elle devient quoi, elle? Elle voilà est... une question qu'elle est bonne. Mais non, mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'elle devient, la Nadine? Non, mais ça fait bien 10 ans qu'on n'en a pas entendu parler. Ça fait parler, longtemps, hein, qu'on n'a pas vu la Didine. Vous avez déjà posé la question ou pas? Non, il n'a pas posé. Si, mais Pandore, non, t'as donné la réponse. Ah bah oui. Ne bougez pas. Laurent Ruquier et les Grosses Têtes reviennent dans un instant sur RTL. Et si on parlait de Renault Pro Plus avec Valérie, restauratrice? Vous dites, tout inclus pour mon trafic. Ça inclut vraiment tout? Oui, EasyLock Pro Plus est une location longue durée qui inclut les révisions, les plaquettes de frein, les pneus, et si votre trafic est immobilisé, vous avez un véhicule de remplacement. Vous dites aussi tout équipé? Bien sûr, nous avons près de 1000 trafics grand confort disponibles. Tout inclus, tout équipé et tout de suite, ça c'est pro. Dans la limite des stocks disponibles, voire conditions en concession ou sur Renault.fr. Sinking, wasting, crumbling like just I am hoping for a better life. This time we'll fade out tonight, straight down the line. We're all under the upper hand. I'm going mad for a couple grams, and we don't wanna go outside tonight. In the pipe, fly to the motherland, or sell love to another man. It's too cold outside for angels to fly. La question porte sur cet écrivain qui, justement, écrivit une lettre à son éditeur, Souvorine, une lettre publiée aujourd'hui par le journal La Croix, où on peut lire ceci. C'est assez joli. Il est temps que les hommes qui écrivent, surtout les artistes d'ailleurs, admettent que sur cette terre, on ne peut rien comprendre, comme l'a jadis admis Socrate et comme l'admettait Voltaire. La foule pense qu'elle sait tout et comprend tout. Si un artiste en qui la foule a confiance se décide à déclarer qu'il ne comprend rien à ce qu'il voit, alors rien que cela sera une grande avancée dans le domaine de la pensée et un grand pas en avant. À qui doit-on cette lettre ? C'est un auteur russe. Un auteur russe. Solzhenitsyn ? Non. Tchekhov ? Tchekhov ! Bonne réponse de Caroline Diamant. Alors là... Alors là, Caroline, le fait ne serait-ce que vous prononciez le mot Tchekhov, ça n'est pas... Oh non, mais je oui, mais Péronil l'a un peu aidé quand même. Chantal, si oui, vous mon pouviez... chéri. Ma chère Chantal oh, adorée. Je sais que vous m'aimez. La grande comédienne de boulevard oui, la que reine. Vous êtes. Quand même, si je peux me permettre de prendre la défense de mes camarades, être l'avocat de Caroline Diamant, de Christophe mais de Chavannes, de Jean-Jacques besoin, Péroni... Fais gaffe, l'avocat, elle le mange, hein, Caroline. Voilà. Je me permets d'être leur avocat. Quand ils trouvent une bonne réponse ou aident à trouver une bonne réponse, que certains se moquent d'eux parce qu'ils ne trouvent pas souvent ou ils trouvent peu souvent. Je peux le comprendre. Je ne sais pas de qui vous parlez. Mais quand il s'agit de vous, cher Chantal... Et Tchekhov, j'allais le dire, j'avais au bout de la langue. Non, t'allais dire Jean-Pierre Coff. Elle croit que Tchekhov, c'est le copain cubain de Jean-Pierre Coff. Non, non, elle croit juste que c'est un rendez-vous pour aller boire un coup. Où est-ce que non, tu vas, où tu passé, vas je passé à l'Alma, il y avait une affiche de Tchekhov. Voilà, j'avais retenu quelle ça. Quelle pièce de Tchekhov? Je ne sais pas ce qu'il fait en ce moment. Qu'est-ce que vous aimez? La mouette. La mouette, les trois sœurs. Ah oui, que les trois Suisses aussi. Oncle Vania. Oncle Vania. Ah oui, mais enfin ça, c'est normal que vous connaissiez les filles. Mais à part ça... À part ça, c'est tout. Oncle Vania. Oh non. Ah bah si, Oncle Vania, il vous a servi. Ah bah oui. Oncle Vania, il vous fournit périodiquement. Bah évidemment. Et vous l'aviez en livre de poche. C'est vrai, c'est la marque. J'en ai toujours une dans mon sac. Tu l'as en livre de poche, Oncle Vania Pocket. C'est particulier, les pièces de Tchekhov. Ça me fait chier. Ah, vous osez le dire, vous? Ça m'étonne pas de toi. Parce que quand j'ai pris des cours de théâtre, on m'a emmené en voir plein. Et honnêtement, alors, où j'étais trop jeune pour comprendre toute la subtilité, mais ça avait plutôt tendance à m'emmerder, oui, j'avoue. C'est vrai que t'as préféré Nelson, tu me l'avais dit, oui. Alors ça, c'est vrai qu'on est loin de Tchekhov avec votre pièce. Nelsonov. Mais un professeur de théâtre m'avait dit, tu devrais jouer Tchekhov, tu es un peu russe comme ça. Et j'ai jamais joué Tchekhov. J'adorerais si vous pouviez jouer la muette pendant 10 minutes. Le Figaro littéraire publie sans expression héritée de l'histoire un petit livre intéressant qui m'a permis d'ailleurs déjà de vous coller il y a quelques jours avec une expression qui est devenue aujourd'hui courante alors qu'au départ... Elle est liée à l'histoire de France, cette expression. Et là, évidemment, je vous demande de la retrouver. Cette expression née en 1621, précisément en octobre 1621, grâce... Oh alors, j'ai pas l'heure. Grâce à Louis XIII qui a décidé quelque chose ce jour-là, au cours du siège infernal de Montauban, quelque chose qui, aujourd'hui, est resté une expression populaire. Quoi donc ? Dieu reconnaîtra les siens. Non. Est-ce que c'est, ça concerne une victoire ou une défaite ? Est-ce que c'est lié à quelque chose qu'on réussit ou qu'on ne réussit pas ? Oh bah c'était pour, effectivement, je dois dire, ce jour-là, comment je pourrais c'était vous... C'était une guerre ? Est-ce que c'était sur la stratégie ? C'était pour rétablir le pouvoir royal et catholique sur l'ensemble du territoire, puisque Louis XIII succédant indirectement à Henri IV, il voulait rétablir le pouvoir catholique. Alors, est-ce que c'est une expression qui est utilisée pour parler de choses quand on est dans le combat, par exemple ? Oui, c'est au cours du siège de Montauban, donc en octobre 1621. Donc, sus à l'ennemi. Sus à l'ennemi, ça c'est une expression qui vous est familière peut-être. Bon, pas que les ennemis. Hein. Oui, même les amis. Mais pas pour Louis XIII. C'est du genre, ralliez-vous à mon panache blanc. Non, ça c'était Henri IV. C'était Henri IV, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Non plus. Non. Je vais jeter un œil dans sa chaîne. Non, il n'est pas sur place, hein, évidemment, Louis XIII. Mais il donne un ordre, il téléphone. Hein, Paris vaut bien une messe. Paris vaut bien une messe, ça c'est encore Henri IV. Et quand on emploie cette expression, là, ça, c'est encore guerrier quand alors non, on ignore que c'est guerrier. Alors qu'aujourd'hui, évidemment, on emploie cette expression absolument pour toute autre chose. On veut Laurent. Des assiettes. Vous, la dernière fois que vous l'avez employé, c'était dans quel contexte ? Oh, je ne l'emploie pas non plus si souvent. C'est une vieille expression française. C'est un peu vieillot quand même. C'est un peu vieillot, mais ça vous arrive, vous, régulièrement, Laurent Baffy, de le faire. Ça a une connotation populaire ? Oui, populaire. Humoristique ? Humoristique, oui. Enfin, en tout cas, c'est rigolo. Faire quelque chose ? Faire quelque chose, oui. Il y a faire dans l'expression. Oui. Est-ce qu'il y a un mot un peu trivial dedans ? Pas du tout. Ah oh bah non, c'est Louis XIII, il était pas grossier, Louis XIII. Tarlanique. Non, c'est un ordre qu'a donné évidemment Louis XIII, et cette expression aujourd'hui est utilisée toujours, mais sous un autre sens. Faire ripaille, mais faire ripaille, ça, non. Attendez, les fusils existaient à l'époque c'était ou pas les fusils. Les mousquets Les mousquets, non. Les baïonnettes non. Les catapultes Non. Ça a rapport à l'arme. Ça a rapport avec une arme, oui. Mais on se souvient plus que ça désigne une arme aujourd'hui. Oh, ça ne désigne pas une arme, parce que de toute façon, dans l'expression, il n'y a pas le nom de l'arme. Feu de tout bois. Faire feu de tout bois, ça c'est pas mal, mais ce n'est pas ça. Ils avaient quoi comme arme à l'époque On va tirer à couilles rabattues. Non, mais on se rapproche. Ah, ça parle de bourse. Non. Ça parle de coups. Oui. Sans coups fait rire. Non. Les 400 coups. Les 400 coups. Faire les 400 coups. Bonne réponse Isabelle Mergault et Florian Gazan. Faire les 400 coups, ça veut dire évidemment aller faire la fête, aller faire des bêtises, voilà, qui sont pas évidemment des choses très morales généralement ou sociales. On va faire les 400 mais coups. Mais ça désigne pas la guerre, effectivement. Ça ne désigne pas du tout la guerre, et pourtant ça vient du siège de Montauban où en octobre 1621, le roi, qui en avait marre de la résistance montalbanaise, a ordonné à ses artilleurs de tirer 400 coups de canon d'affilée. Ah, on a dit, voilà. Canons. Et oui, 400 coups de canon, faire les 400 coups pour terroriser ses adversaires. Bon, petit à petit, évidemment, au fil des siècles, faire les 400 coups, c'est transformé parce qu'on tire de moins en moins de coups de canon, on peut tirer. On peut tirer des canons. Voilà. Et faire les 400 coups, l'expression est restée à la mode. Grâce à Truffaut aussi. Vous connaissiez cette expression, faire les 400 coups, Christina Cordula ? Oui, j'ai déjà entendu parler. Et qu'est-ce que vous faites, vous qui êtes une Parisienne aujourd'hui, plus qu'une Brésilienne, quand vous êtes dans notre ville, Paris, chère Christina, quand vous voulez faire les 400 coups, est-ce que vous allez Vous avez des adresses pour nous ? La boîte de Boulogne. Les 400 couilles. Et vous allez en boîte de nuit, ce genre de choses. Échanger, c'était bien, toi, non ? Non ? On t'a vu. Écoute, ça peut être intéressant. Avec ta veste en pied de moule, on t'a vu. Moi, je suis ouverte à tout. Ça, c'est le mot. Ah, bah, dis donc. En plus, vous qui aimez bien. On va penser à mettre un rideau de fer. Hein. Vous qui aimez bien qu'on change de vêtements dans une boîte de ce genre, on est un peu sans cesse déshabillé. On peut repartir éventuellement avec les fringues des autres. C'est ça l'avantage. Oui, on s'échange de vêtements. Imagine dans une boîte de cuchelle. Les couilles, c'est n'importe quoi. Là. Il faut te mettre un peu à gauche. Ah, mets-toi les couilles en hache, ne va pas du tout. Ah oui, parce qu'il faut que vous sachiez, chère Isabelle Mergault, puisque vous ne suivez pas les reines du shopping, qu'il y a plusieurs types d'hommes et de femmes. Expliquez. Alors, c'est-à-dire que nous avons plusieurs types de morphologie. La femme, l'homme, on est coupé, soit on est tout droit, donc il faut utiliser un certain type de vêtements. Je vais aller pisser. Quand on a une taille marquée, il faut utiliser un autre type de vêtements. Quand on est très carré ou trop de poitrine, donc voilà. Tout ça pour se mettre en valeur, d'être au mieux de soi-même. Parce que parfois, on est maladie parce qu'on ne respecte pas sa morphologie. Donc, on est moche parce que les vêtements, ça ne va pas. Et du coup, elle donne des conseils. Elle dit, mais ma chérie, tu es taillée en H, tu t'habilles comme un O, c'est n'importe quoi. Voilà. C'est ça. D'accord. Ou alors, t'es 8, il faut t'habiller comme un V. Alors, c'est quoi comme lettre, Isabelle ? Ah, c'est un W. H, très jolie, petite poitrine matique de côté. Marcella Yacoub, qu'est-ce qu'elle devient ? Elle, c'est un Q. Non, mais Christina et Marcella n'ont jamais fait les émissions ensemble. Oui, déjà fait l'émission ensemble. On avait trois traducteurs. On avait l'impression d'être en stéréo. Et vous, vous êtes en quoi Je suis un 8. Un 8, c'est quoi le 8? Mais il n'y a plus rien de mauvais. Toutes les morphologies sont bien. 8, c'est quand on a la taille marquée, c'est un peu latin. Bah, j'ai la taille marquée, que vous voyez pas celle-là. Non, t'as la taille marquée, alors tu serais plutôt un X, parce que comme t'es mince, tu vois, tu serais un peu un X. Mais c'est très joli, hein. Vous avez dit que tout est vrai. Ce que je veux dire cette année-là, c'est que t'as un joli corps, t'es bien fité et tout est vrai. L'odeur, Jean-Jacques, il est en paix. Hein. Ah ouais. Ah mais Jean-Jacques, il est en... c'est quoi la lettre de Jean-Jacques? C'est D, Z comme Zob. D. C'est un D. C'est un D. Des profils, ça fait un D. Tout de suite après les infos, la suite des grosses têtes de Laurent Ruquier. RTL, il est minuit. 24 heures d'info avec Alexandre de Saint-Aignan. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, la Coupe du Monde de football, une 9e journée riche en rebondissements. Les Brésiliens soulagés après leur première victoire, 2-0 face au Costa Rica. Le Nigeria s'est relancé dans la course à la qualification grâce à son succès contre l'Islande, 2-0 également. De son côté, la Suisse s'est fait peur face à la Serbie. Menée 1-0, les Helvètes ont finalement renversé le score 2-1. La Nati rejoint le Brésil en tête du groupe E et pourrait se qualifier en 8e de finale. Un prêtre sanctionné après avoir giflé un bébé lors de son baptême. La vidéo diffusée sur internet suscite la colère depuis plusieurs jours. L'ecclésiastique âgé de 89 ans a été suspendu par son diocèse. Il a présenté ses excuses à la famille du nourrisson. Un grand coup contre le trafic de drogue à Marseille. Le plus important réseau de trafic de stupéfiants a été démantelé en début de semaine dans les quartiers nord au cours d'une vaste opération. 200 kilos de résine de cannabis ont été saisis, mais aussi des armes, des kalachnikovs et de l'argent liquide. 8 personnes au total ont été incarcérées. 34e jour du mouvement de grève à la SNCF. Ce samedi, la direction prévoit d'assurer 9 TGV sur 10, la moitié des TER et des intercités, ainsi que 3 transiliens sur 5. Le taux de grévistes est passé sous la barre des 10% ce vendredi. On devrait connaître lundi la date de l'arrêt définitif du service Autolib en région parisienne. Les négociations sont en cours et s'orientent vers une fin progressive au 31 juillet, le temps d'informer les usagers et de s'assurer que le groupe Bolloré reclasse ses 254 salariés. La réplique de Donald Trump aux taxes imposées par Bruxelles sur les produits made in USA. Washington menace désormais de renchérir de 20% le prix des automobiles européennes entrant sur le territoire américain. Les adieux des Guignols sur Canal+, après 30 ans d'antenne, l'émission satirique a diffusé son dernier numéro sous forme d'un clip hommage avec les marionnettes les plus emblématiques, Jacques Chirac, PPD, Johnny ou encore Bernadette. La chaîne cryptée avait acté la fin définitive de l'émission le 1er juin dernier. Les Guignols étaient en sursis depuis 2015 après le lifting ordonné par Vincent Bolloré. La météo, encore du soleil avec quand même quelques passages nuageux dans le nord-est et des averses en fin de journée sur le sud des Alpes, la montagne Corse et les Pyrénées. Les températures encore très fraîches en matinée, ça va se réchauffer l'après-midi avec 19 degrés. Sur RTL, tout de suite, les meilleurs moments des grosses têtes. C'est à ne pas manquer. Une question pour Michel Neuder, qui habite Brest. C'est le Figaro qui... Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, au nom de Dieu, que la pluie cesse. C'est la chanson de Nolwenn. Oui. Enfin, de Miossec, reprise par Nolwenn. Par Nolwenn. Ah, oui, oui. C'est une copine à vous, Nolwenn, vous l'aimez bien, Christophe? Oui. Vous devez la voir aux Enfoirés, tout ça. Oui, oui, chacun. Il y a une bonne ambiance aux Enfoirés, d'ailleurs, je me posais la question. Regarde, il se marre, pas du tout. Non, pas non, pas du tout. Non. Il vient de tirer la langue. Non. C'est très compliqué. Non, sincèrement, il y a quelques temps, c'était un peu tendu. Ah. Et là, ça fait quelques années que tendu c'est beaucoup plus cool. Parce qu'il y a plein d'égo. Mais moi, je m'inclus dedans, en fait. C'est vrai que c'est pas facile. T'arrives aux Enfoirés et tu te fatigues un peu en longueur d'année d'avoir une image, de tenir un truc. Et t'arrives et tu te retrouves. Déguisé en saucisse, quoi. Non, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il y en a certains, des fois, qui sont un peu plus réticents à l'idée de se foutre de leur propre gueule. Que si on faisait les Enfoirés, Pierre Bénichoux, je suis pas sûr que vous accepteriez tout de suite de vous déguiser en gros lapin, par exemple. Oh, je le fais, encore, uniquement à la maison. Jean-Philippe Janssen, un jour vous ferez les Enfoirés. Vous allez devenir une star, vous ferez les Enfoirés, vous verrez. Oh bah, Dieu vous entende, mais moi ça me dérange pas de me déguiser en lapin. C'est vrai, je le fais déjà à la maison aussi. Tu sais. Ah oui. Vous non, allez... mais il faut avoir de la dérision. Ça manque un peu d'autodérision. Il faut avoir de la dérision. Non, mais voilà, il y en a certains qui manquent un peu d'autodérision. Il y a des... Attends, c'est quoi cette belle phrase que j'ai entendue? Il y a des égos qui s'affrontent. C'est ça que ça s'appelle une belle phrase. Il a dû entendre ça dans. Elle est nulle cette phrase. Il l'a entendu dans Secret Story, je pense. Les égos s'affrontent dans la maison des secrets. Sophie, oui. Je l'ai dit déjà. C'est nul. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qu'est-ce qu'il y a? Il est formidable. Ah oui. Vous êtes amoureux de Jean-Philippe. Et on est démodé. Il est génial. On est démodé. Ne prends pas ton cas pour une généralité, s'il te plaît. Bah, ça va encore. Une question pour Michel Noder, qui habite Brest, donc disais-je. Quand tonnerre, j'ai... tonnerre de Brest. Ah, tu connais Nalouen. C'est sympa, les enfoirés ou pas? Oui, c'est pas mal. Ça me fait penser. Tu sais jouer à la bourre, là. Une très belle phrase à laquelle je pensais, c'est les égaux s'affrontent. Ah, je l'ai déjà dit dans Secret Story, ça. C'est magnifique. Ah, fais-moi la viole. On va pas être en... Qui a fait le concours? Un jour sans on va pas faire une émission en boucle. Qui a écrit la boussole? Ah merde, on sait plus. Actuellement, à Paris, désormais, on peut slurper à Paris, mais de quoi s'agit-il? Ramasser la merde des chiens avec la langue. Pas du tout. Oh, mais non. Non, mais dans les bandes dessinées, quand on voit... Non, mais dans les BD, quand on voit un personnage qui slurpe, ça veut dire qu'il se lèche les babines, qu'il a envie de manger des choses. Alors, c'est le lèche-vitrine. C'est pas tout à fait ça, mais on se rapproche. Le lèche-vitrine. On a le droit de rentrer dans les magasins avec des patins à roulettes. Non, désormais, on peut slurper à Paris car c'est autorisé. Et non seulement c'est autorisé, mais c'est traditionnel. On a le droit de baver, de cracher. Non, mais dans quel lieu est-on autorisé à slurper? Mais dites pas qu'il y a des crachoirs. Dans les toilettes. Ils ont pas remis des crachoirs. Non. Dans les toilettes. Est-ce que c'est des lieux où on vend des choses qui se mangent? Oui, monsieur. Ah. On peut se leur payer dans des brasseries. Est-ce qu'on peut... qu'on peut se leur payer? J'ose même pas lui répondre. Mais non. Oui, on peut se leur payer dans des brasseries. Alors, on peut se leur payer dans les brasseries. Voilà. Non, mais donc dans les brasseries. Donc. On peut manger gratuitement. Non, ne rêvez pas, Christine. Mais non. Normalement, on ne slurpe pas à Paris, car ça n'est pas très bien vu de slurper. Mais désormais, on peut le faire. On mange avec les doigts. Alors, manger avec les doigts, non. On peut lécher son assiette. Lécher son assiette, non. Pourquoi c'est pas bien vu, Laurent? Parce que c'est l'assiette du voisin. Demander un doggy bag, récupérer le reste de nourriture. Pas du tout. C'est un rapport avec la soupe. Alors, laquelle soupe? Un potage, quoi, tu sais. Non, justement. Non, ouais, vous qui avez voyagé, vous qui êtes steward. On a le droit de faire sa soupe soi-même. Les nouilles, là, c'est... C'est pas ces trucs, les noodles. Et oui, alors allez-y. Eh bien, t'as le droit de faire du bruit, et on en mange dans les restaurants. Oui. Ça fait beaucoup de bruit. On peut slurper quand on mange des nouilles japonaises dans les restaurants. C'est autorisé de slurper. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Et ça. Oui, parce que en France, c'est pas bien vu, vous savez, de faire du bruit quand on mange. Non, c'est bien vu nulle part. Et si, moi qui suis allé au Japon cet été, je peux vous le dire, au Japon, quand vous êtes dans un bar à nouilles, aucun rapport avec le bar en bas de chez Christine. Hein. Non. Quand vous êtes dans un bar à nouilles, vous êtes très surpris au début parce que vous asseyez, puis vous entendez des bruits qui viennent de toutes les tables, et tout le monde fait. Mais dans l'avion aussi. Et dans l'avion aussi. Parce que sur ces destinations Japon machin, en buffet on a des nouilles toutes faites, déshydratées et ils viennent nous demander de mettre donc on passe la nuit à mettre de l'eau chaude dans les nouilles pour toute la nuit t'entends. Dans tout l'avion c'est assez désagréable. Mais c'est dans le vol intergay aussi. Non mais c'est dégueulasse, j'ai pas envie d'aller manger à côté d'un mec qui slurpe. Alors justement maintenant dans Paris, il y a plusieurs endroits où vous pouvez aussi aller manger des nouilles japonaises et slurper à toute heure de la journée. Et on a le droit, voilà. Vous aspirez bruyamment les nouilles. C'est comme ça qu'il faut manger les noodles, autrement vous ne le faites pas de façon japonaise. Mais quand on prend une soupe qui est chaude, on fait du bruit, non? Mais t'es cinglé toi. Non, moi je fais du bruit. Ah bah tu viens pas bouffer. Finalement tu viens plus, voilà. Non. Mais c'est dégueulasse, quelqu'un. C'est la chanson de Jacques Brel. Tu fais des grands slurps. Ces nouilles chinoises, on peut pas les manger autrement, puisqu'on n'a pas de couvert. On est obligé, si on les aspire, ça fait du bruit. On peut pas faire autrement. Et elles doivent partir du bol et monter tout doucement jusqu'à votre bouche par aspiration. Et avec la balle, et comme c'est chaud, t'es obligé de. Le fait de faire ça, ça refroidit. C'est comme si tu soufflais sur ta soupe. Et c'est donc quand tu bois ta soupe, tu fais du bruit aussi. Un peu, oui. Pierre. Bon, écoutez, vous nous cassez les nouilles avec cette histoire. Moi, j'en ai marre. Mais ça se boit, la soupe. Ça se boit au bol. Non, parce qu'il y a des pentes dedans. Quand il y a des soupes de vermicelles, c'est pareil. Tu la bois, tu fais pas de. Si, si, si. Mais les Japonais, c'est toujours à part. C'est comme. Et moi, je ne comprends pas cette culture. J'ai du mal. C'est comme les jardins avec 13 cailloux. Tu vois jamais le 13e caillou. Pour la série, tu te souviens c'est... Donc, ça slurpe à bord des avions oui, aussi. Ah oui, beaucoup. Ah oui. Et les Chinois, ils crachent, c'est pire. Ouais. Dans l'avion. Dans l'avion. Ils ont des pots de yaourt. Non. Mais du coup, on leur donne parce que sinon, ils cracheraient par terre. Non. Parce que c'est un problème. Tu as vu, aux Jeux Olympiques, ils ont essayé de rééduquer les Chinois populaires pour éviter qu'ils crachent parce qu'ils crachent. Non. C'est culturel de cracher en Chine. Mais alors pourquoi donc, moi un avion, je préfère qu'il crache pas. Hein. Ah ben, que trouve-t-on à l'angle de la 56e rue et de la 5e avenue? Donc c'est à New York. Oui. C'est l'immeuble de Trump. La Trump Tower. Bah oui. Bonne réponse de Bernard Mabicois. Bah oui. Quand on va à New York, on va voir l'immeuble. Tout le monde de Trump n'a pas eu la chance d'aller à New York, Bernard. Ouais. Vous avez été gendarme avec De Funès, d'accord. Mais tout le monde n'a pas eu cette chance. Ah, tu l'as tourné là-bas. Il n'a jamais tourné dans les gendarmes, enfin. Ah, ouais. L'autre, il croit tout ce que je dis. Il vous confond avec Jean Lefebvre. Mais oui. Qui aurait mangé Galabru, alors. Hein. Je suis le dernier gendarme vivant. Moi, je le crois. Vous auriez été bien dans les gendarmes. Ah, alors, ça, oui. Ah, oui, il aurait maté les nudistes à Saint-Tropez. En effet, en tout cas, le gratte-ciel Donald Trump, la fameuse Trump Tower, eh bien, au 725 de la 5e avenue, au coin de la 56e rue à New York. Elle mesure quand même, la Trump Tower, 202 mètres de haut. C'est le 64e immeuble le plus grand de la ville. Et non seulement, évidemment, Donald Trump y est hébergé, mais aussi la compagnie d'assurance britannique Equitable Life. Il y a une belle cascade, moi j'y suis allé une fois. Il y a une cascade intérieure. Dans la tour. Il y a un restaurant. Dans la tour. Ah, ouais. Vous êtes allé aussi dans la Trump Tower? Non, je suis allé à New York, mais je ne suis pas allé à la Trump Tower. Et bien, comment vous savez qu'il y a une cascade alors? Ben, je vous demande si c'est au milieu de la tour. La cascade? Oui. Oui, c'est au milieu de la tour. Oui. Bah oui, autrement. Ça doit être marrant, ça, dit dedans. Moi, j'adore sauter dans les cascades. Oui, mais... Je vous inviterai à l'Aqua Boulevard, ça vous fera la même chose. Oh, l'Aqua Boulevard. Ah, vous êtes déjà allé à l'Aqua Boulevard? Oui, il est resté coincé dans le toboggan. Dans le tube. T'imagines, il y a eu trois. Ils ont mis trois jours à quand le sortir. Il est arrivé, les gens gueulaient, il y a un bouchon. Non, les mecs, quand ils l'ont vu, ils ont dit il faut sauver Willy. Ça. Et la piscine à vagues, on sait comment elle fonctionne. Un petit plongeon, youpi. Mais ça doit être plein de microbes. C'est comme une piscine. Ils sont des centaines là-dedans à pisser dedans. C'est affreux. Tandis que la cascade de la Trump Tower, elle est propre. Là, tu peux te baigner. Il y a du bronze partout. Ça, c'est moins propre. Moi, elle est quand même assez moche, cette tour. Vous trouvez qu'elle est jolie? Elle est très laide. Elle est assez moche. Ah, elle est belle. Non, elle est moche. Question supplémentaire. Oui. Cédric Couret, qui habite Fiquefleur et Quinville. Oh, c'est joli. Fiquefleur, oui, vous êtes en Normandie. J'ai campé, moi, à Fiquefleur. C'est trop mignon. J'ai fait du camping. Vous avez campé, là? C'est vrai. C'est pas loin du Havre. C'est dans l'heure, Fiquefleur. C'est vrai que ça vous faisait loin. Vous étiez scout? Vous aviez quel âge quand vous campiez? Depuis le Calvados. Je crois que c'est la première fois que j'ai dû quitter le Havre. Quand je suis allé à Fiquefleur. Pour aller à 5 km. Quoi? Pour aller à 5 km. Bah oui, mais. C'était l'aventure déjà. C'était l'aventure. Vous aviez quel âge? 15 ans? 14 ans? Non, peut-être 32, 33. Il est con. Avec son petit slip de bain tricoté. Oh, parce que, mignon. Et je vous jure, sa mère, elle lui tricotait. Mais non, slip. Pas du tout. Si. Ma mère ne tricotait pas des slips de bain. Vous m'avez montré. Bon, on peut ne pas le dire. On a tous moi, j'ai vu la photo. Sa mère, elle lui avait tricoté un petit maillot de bain. Quand on était gosse, on avait ça. Mais le problème, c'est que ça prend l'eau. En tricot. Ben oui, ah oui, ben puis alors... t'as la couille qui passe à travers les mailles. Après, ça pend et tout. Je m'étais dégalé pour que les films suivent. Ça marchait? Non. Il y avait des vieux cochons. Bon, dites, on peut revenir à New York alors. Oui. On était bien tricoteur. À Fiquefleur. Ah oui, à Fiquefleur. J'ai plus jamais campé après. C'est la seule fois de ma vie où. Ça vous a guéri? Ah oui. Ah non, c'est pas vrai. J'ai campé à c'était Toulon. C'était une petite tente ou une croix. Ma première fois, c'était une grosse. Une Canadienne. Avec fourrure. Non, écoutez, franchement. Et vous l'avez planté où, votre tante? À Fiquefleur. Alors, c'est quoi la question? La question concerne donc New York. Il y a très peu de chansons. Fiquefleur, par exemple. C'est moins facile. Fiquefleur. J'ai planté ma tente. Pam, pam. Et parfois je chante. Je veux en être fic-fleur, fic-fleur, fic-fleur, fic-fleur. Ça, c'est génial. Ça. Arriver à foutre pic-fleur sur New York, New York, bravo, monsieur c'est Beaugrand. Possible. Alors, bravo, normalement, Christophe Beaugrand devrait pouvoir répondre à la question qui vient. Puisque je vais vous demander, on est un peu dans le jeu de Nagui, n'oubliez pas les paroles de temps en temps. J'aime bien vous piéger avec les paroles des chansons. C'est quand même une chanson que tout le monde connaît, New York, New York. Je vais donc démarrer la chanson. Je ne vais pas vous la chanter, je ne vais pas vous imposer ça. Mais vous allez devoir, évidemment, compléter par la phrase qui manque. Ça commence ainsi. Start spreading the news, I'm leaving today. Oui. I want, vous pouvez traduire au fur et à mesure peut-être. Faites passer la nouvelle, je m'en vais aujourd'hui. I want to be a part of it. New York. Je veux une portion de frites. Je veux en faire une part de frites. On a dit qu'on arrêtait avec les frites, Bernard. New York, New York. Bon, fique fleur, fique fleur, c'est la traduction. Alors. C'est n'importe quoi là. These vagabond shoes are longing to stray. Ah oui, des alors chaussures du vagabond ont du mal à marcher. White shoes very hurt of it. Je comprends rien. It. Ah, il verrait la gueule de Sinatra. Il entend ça. Fic-fleur. C'est pas possible, on comprend rien. Et on arrive évidemment quasi au refrain, pas tout à fait, mais quand même. Et là, je vais vous demander de compléter cette phrase. Ah ouais, là, ça va être dur, I wanna wake up in a city that never sleeps. Dans la cité qui ne dort jamais. Bonne réponse collective. Ah là là. Ça veut dire ça. Je vais demander à Chantal Latsou de l'interpréter cette chanson. Oh merde. Chanson, alors, que... alors attention. Attendez, prenez les paroles. Elle n'a pas la musique, elle n'a pas les paroles, mais elle va vous la chanter quand même. Oh, je bande. I'm living today. I want to be a part of it. Fique fleur. This vagabond should have longing to stray. Back to the Veritas, New York, New York. Oh, c'est I wanna wake up. En direct de dégueulasse Vegas. On dirait Liza Minnelli à 4h du mat. Top of the heap. This little town blues are milling away. Oh merde. Non, c'est magnifique. C'est pas mal, Chantal. Hein, c'est pas mal, non? Ça faisait un peu l'infirmière qui rentre les vaches. Tu faisais, oula, hot nouvelle étape! Elle est belle, la chanson. C'est une de vos chansons préférées, je crois. Ouais. Ah ouais? Comment vous le savez? Bah, parce que ça fait quand même 40 ans que je vous supporte. Alors, chante-la. Et je trouve, non, je peux pas la chanter, mais je trouve que quand le 31 décembre à Central Park, quand on fait le décompte et qu'ils balancent ça du haut, New York, New York, ah, c'est bon, mais t'en peux plus. Oui. C'est tellement beau, c'est confetti, c'est pluie d'étoiles. Il faut faire la queue pendant des heures, il fait moins 10. Mais quoi, tu fais la queue pendant des heures? T'es là, t'attends, c'est beau. Tu fais la queue pendant des heures. Non, mais c'est génial, New York. Je me souviens, les confettis du 11 septembre, bon, ils étaient lourds. Faut les éviter quand même. Ils étaient lourds et ils criaient. Alors, c'est pas terrible. Oh là là, Start spreading the news. I'm leaving today. Et si Joey Starr chantait New York, New York, ça donnerait quoi? I want to be a part of it. New York, New York, va niquer ta mère. Je l'ai vu chanter l'autre jour dans la Nouvelle Star. Oui, ah, ça devait être très agréable. Ah, ça, je dois dire, d'un seul coup, c'était une vengeance pour tous les candidats. On a trouvé pire. Il est à l'Olympia. Mais tu veux mourir, toi? Quoi? Vous voulez mourir, patron? Pourquoi? Ben, vous vous moquez de Joe Star. Oh, mais je suis un costaud, moi je suis un rebelle. Il a moi, peur de rien. Moi, il me fait pas peur. Moi non plus. Ah, il serait l'invité mystère, vous diriez pas ça quand même. Oh, no. nouveauté. Et des découvertes. On aime la musique sur RTL. RTL. RTL. Première radio de France. Une question. Top chrono. Les auditeurs face aux grosses têtes. Bonjour Carole. Carole Petre qui habite Puy-Laurens dans le Tarn, c'est bien ça? C'est ça. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Bonjour, bonjour Carole. Carole. Bonjour. Faites quoi dans la vie Carole? Alors, avec mon mari, nous avons démissionné tous les deux de la région parisienne pour pouvoir accéder à un nouveau projet dans notre vie. Voilà. Nous avons acheté une ferme et nous voulons en fait ouvrir une ferme pédagogique. Voilà. Ah bah, yes. Alors là, on va vous envoyer Karine Le Marchand pour le coup. Mais oui, mais en plus, un petit clin d'œil à Karine parce que bah, j'habite juste à côté d'une ancienne candidate, donc elle connaît bien le... Laquelle? Caroline, qui avait des poneys. Oh, je l'adore. Ouais. Donc ah bah, je lui ai écrit encore ce week-end. Ah, je lui ai écrit ce week-end. C'est ta ménopause qui t'atteint le cerveau, je pense. Ah bah non, mais c'est fait depuis longtemps. Ah, donc, non, mais qui atteint le cerveau. Si tu cherches un éleveur de peau de vache, va chez Hatsou. Hein. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Chantal? Vous avez bouffé de la vache, qu'est-ce qui se passe? Mais elle parle comme ça, j'aime bien, mais j'aime beaucoup. J'aime bien l'imiter, elle est charmante. Vous allez faire dans quoi, dans votre ferme? Quel genre? Alors, ben, du côté de mon mari, il veut développer la permaculture, donc faire une culture bio. D'accord. Et moi, de mon côté, j'aimerais ouvrir des ateliers de pédagogie Montessori. Ça, je peux te dire, c'est de retour dans 6 mois à Paris. Non, pas du tout. Bon, bah écoutez, non, mais vous savez, la ruine est vite arrivée. Carole, mais c'est pas grave. Voici la question qui va peut-être vous permettre de partir au cœur des Ardennes, près de Charleville-Mézières ou de Sedan, au domaine de Château du Faucon. C'est un château majestueux à tours crénelées qui date du XVIIe siècle. Et ce château siège au cœur d'un très beau domaine avec chapelle, rivière, étang, un magnifique château-hôtel 4 étoiles, 34 chambres en tout. Le domaine du Château du Faucon vous accueillera avec son restaurant gastronomique, ses chambres de caractère, les écuries, les installations équestres. Allez voir sur internet domaine-château-faucon.com. Comme vous serez hébergé pendant 2 nuits en chambre double, petit déjeuner pour 2 personnes. Vous êtes prête? Oui. Carole, la question concerne différentes expressions que je vais vous demander de me dire où on les retrouve, ces expressions. Écoutez bien. Mademoiselle, vous êtes charmante. C'est pour moi cette petite jupe? Oui. Tu sais que t'es bonne? Je vais te serrer. Réponse à l'chienne. Oh là. Oui, c'est dans le harcèlement, dans les transports. Alors, expliquez exactement. Ben, en ce moment, il y a une campagne faite par le ministre et qui donc dit que 100% des Françaises sont agressées dans le métro. Excellente réponse de Carole. 100% des Françaises. Ça leur est déjà arrivé. Tu vois qu'il y a toujours une chance pour les moches. Mais alors, réponse à la chienne, c'est un peu agressif quand même. Non mais oui, effectivement, c'est comme une ligne de métro et à chaque station de métro, ils ont mis une expression différente. Ça commence doucement par mademoiselle, la station suivante c'est vous êtes charmante, la station d'après c'est pour moi cette petite jupe, ça va encore, admettons. Mais après ça se gâte évidemment. Tu sais que t'es bonne, ça commence à se gâter. Ah bah oui. Je vais te serrer, là ça se gâte vraiment. Ouais. Réponse à la chienne, là évidemment. Là c'est mauvais signe. Ouais, après, tu suces à chaque lait. Oui. Quelle horreur. Non mais vous marrez pas parce que ça fait pas rire Karine Le Marchand. Toutes les femmes ont subi ce genre d'agression. Moi ça m'est jamais arrivé, je sais pas pourquoi. Mets-toi à prendre les transports en commun. On appelle ça des frotteurs et 100% des Françaises ont déjà été victimes de frotteurs. Ce qu'on appelle les frotteurs, c'est quand même terrible, c'est les mecs qui profitent de la cohue dans les transports pour se frotter. Ouais. C'est vraiment très... C'est totalement physiquement pour bien faire sentir son érection à la jeune femme. C'est atroce, hein, franchement. Il y avait une blague comme ça. C'est le gars, heure de pointe, si j'ose dire. Alors, il est contre la gonzesse retourne et fait « dites donc, c'est fini, oui ». Je sens bien, hein. Non, c'est pas moi. J'ai été payé en liquide, c'est un rouleau de pièces. Bon, d'accord. Elle fait, elle se retourne à un moment, elle fait au bout de 3 stations. Et vous avez été augmenté entre temps? Quelle horreur. Chantal, vous-même, vous pouvez pas dire que vous n'avez jamais été victime de ça, je suis dans sûr. Dans le bois de Boulogne, il y a pas longtemps, je courais. Avec mon mari derrière moi, toujours. Et on se fait dépasser par un couple. Et les deux femmes du couple, que je ne connaissais pas, on était devant. Et d'un seul coup, on voit un mec avec un sexe qui traînait par terre. Pas par terre. Je te le dis, Karine Marchand. C'est pas possible. Ah non, par terre, c'est un peu excessif. Et alors, on a rejoint nos maris. Vous étiez un nain, peut-être. Non, on leur a dit, mais il y a un truc incroyable qu'on vient de voir toutes les deux, puisqu'on était deux à l'avoir vu. Et quand on est repassé avec nos maris, il était tout à fait normal. Il avait tout rangé. Et tout emballé. Il avait tout rangé. C'est incroyable. Mais quel rapport avec ce qu'on vient de raconter? Eh ben parce que c'est une espèce de harcèlement. Il l'a pas fait devant nos maris, mais il l'a fait devant nous. Ah. Moi, j'y suis repassé plusieurs fois après. Seul, je ne l'ai jamais revu. Et pourquoi tu leur as rien dit? On n'a pas eu le temps parce qu'on riait quand même. Attends, mais tu l'aurais vu avec moi, puisque tu cours, on peut courir ensemble. Je t'emmènerai dans cet endroit-là. Peut-être qu'il va parce que c'est un endroit où il y a des messieurs qui montrent leur sexe. Bah oui. Bah oui. Ah, mais pourquoi tu fais exprès de courir là? Ah bah je ne cours pas ailleurs. Hein, parce que c'est grand le bois de Boulogne. T'es pas obligé de et prendre. Et un jour, il y en a un qui m'a couru, qui m'a crié après depuis un arbre. Il était très haut dans l'arbre, il était nu. Je pense qu'elle a pris de la drogue. Je crois qu'elle était aux eaux de Vincennes en fait. Là, malade. Tu comprends, c'était un animal, je pense. C'est un singe, non? C'était un homme. Non, mais Christine Bravo n'est pas morte. Une question pour Lydie de Lille qui habite Terré. C'est en Charente-Maritime et la question est géographique. De temps en temps, un peu de géographie. En plus, c'est la spécialité de Stevie. Oula. Donc normalement, il devrait le répondre. Monde est vaste, ouais. Le monde est vaste, oui, d'accord. Mais enfin, c'est toujours le même. Il s'agit d'un détroit et je vais vous demander évidemment où on peut trouver ce détroit de Tikina. C'est son nom. Il mesure 900 mètres, le détroit de Tikina. Mais où le trouve-t-on? Qu'est-ce qu'il sépare? Le canal de l'urètre. Le canal de l'urètre, non. Non, c'est auprès d'une ville. Pardon? C'est à proximité d'une ville. Oui, il y a toujours une ville quelque part. C'est pas la capitale du Vietnam? Pas du tout. C'est pas au Japon. En Amérique du Sud? En Amérique du Sud, oui. Pas loin de la bande. Chili, non. Il sépare deux pays, en fait. Non, pas deux pays. Le détroit de Tikina sépare... deux bras de mer. La Pentagonie. La Pentagonie. C'est rempli de pintades, là-bas, n'y allez pas. Et la Bolivie. J'arrive plus à parler, mais c'est un problème. Je crois que j'allais en révision, j'ai un problème moteur. Ça sépare des déserts, peut-être. Le lac Titicaca. Excellente réponse de Laurent Baffi. Alors là... Le détroit de Tikina sépare le lac Titicaca. Vous connaissez le lac Titicaca? Quoi vous dites-vous? Titicaca. Titicaca, si vous voulez. Et Chantal demande avant, hein. Ah ben c'est trop tard. Le lac Titicaca est séparé effectivement par ce fameux détroit de Tikina qui donc le sépare en lac majeur et lac mineur. Mmh. Vous connaissiez le lac Titicaca, bah oui, Laurent Baffy? Dans l'écriture, ça nous sert beaucoup ce lac. Ben oui. Ah ouais. Et Demis Roussos chante le lac majeur. Non, c'était Mort Schumann. Et Jean-Luc Léger chante le lac mineur. Chantal, pourquoi vous êtes toujours aussi approximative? Ben, c'est-à-dire que je ne sais pas. Tout à l'heure, elle me dit, il faut que j'écrive un livre. Et j'ai dit, ben fais-le. Elle me dit, mais j'arrive pas à me concentrer. Je lui dis, c'est bien, t'as déjà le titre. Je me fais la nique, les mains dans le blouson. Tout mon corps me pique, c'est la salaison. Quand ils l'ont de leurs bras, elle rit de bonté. Ça semble écrit sur le papier. Ma tristesse infectera ma mâchoire. Plus je convoite et moins je suis belle à voir. C'est comme un merle, la fille que tu crois retenir. T'appuies au hasard pour la faire jouir. Que faire de l'énergie que je perds? Mes amours dessus. Dans le noyau des villes, ils m'interpellent depuis leur cachure. T'es qui de la monnaie pas défendue. Revenu au matin pleine de sueur. Mon corps mentit entre les bras du passeur. Accroupi, laissé toute l'âme tragique. T'es qui qui pour me traiter, toi. Un homme, une scie et un marteau pour le briser. Et pourtant, son occupant en sort tout seul et sans outillage. De quoi s'agit-il ? De l'oreille ? Non. Il faut à un homme, à nous, à vous, si vous voulez, Caroline, ou une femme, il vous faut une scie et un marteau pour le briser. Et pourtant, son occupant en sort tout seul et sans outillage. De quoi s'agit-il ? Le communisme. Un œuf. C'est un œuf. C'est un symbole ? Quel œuf ? Un œuf d'autruche. Un œuf d'autruche. Bonne réponse de Bernard Mabille. Alors le gros, t'as vu le gros ? Ouais. Il est réveillé le gros là. Hein. C'est parce que tu fais ton omelette tous les matins avec ça, t'es au courant. Hein. Tu vois la taille de la mouillette. Il faut un marteau et une scie pour briser un œuf d'autruche. Ah, donc, ce qui est assez étonnant, alors que l'autruchon, évidemment, je ne sais pas si on dit un autrichon. Oui, oui, un autruchon. Ou un autruchien peut-être. L'autruchien. L'autruchon. L'autruchien, c'est un oiseau qui aboie. Mais l'autruchon, il sort tout seul, il n'a pas de scie, pas de marteau. Oui, mais il a une petite protubérance sur le bec qui lui permet de casser. C'est la coquille. C'était la question zoologique du jour, cher Laurent. C'est Bernard Mabille qui y a répondu. Et voyez. Mais vous avez déjà vraiment mangé un œuf d'autruche, alors, oui, Bernard. Il est né dedans. Non, c'est Calimero. C'est Calimero, il a gardé le truc sur la tête. Et alors, t'as jamais bouffé, c'est la particularité. Non, mais ça se mange vraiment? Oui, oui, bien sûr. Moi, au Cameroun, j'en ai pas. Ça correspond à 24 œufs normaux. C'est pas vrai. Non. Et la particularité de l'autruche, c'est que c'est un oiseau qui ne vole pas. Et ça tombe bien, elle a pas d'ailes. Mais ça on savait pas dire si c'était une vanne ou si c'était une vraie information. C'est une observation parce que si zoologique pour si faire c'est plaisir. Une information, c'est très inquiétant. Parce que apprendre au public d'RTL que l'autruche ne vole pas. Bah oui. Il faut faire quelque chose, mec. Tu sais, Jean-Jacques, que l'éléphant a une trompe. Hein, oui. Oui. Et qui s'appelle Donald. Donald. Parce que vous êtes non, Péroni, ils sont en train de se foutre de votre gueule. Hein. Mais ils sont cons, mais c'est pas possible. Et il y avait des dinosaures qui étaient homosexuels aussi. Ah bon, c'est vrai ? On les appelait les tripotalanus. Non, vraiment. Il est fou. Oh là là. Au Cameroun, quand j'étais petit, les vieilles un peu gâteuses au Cameroun donnent des petits bouts de pain aux autruches dans la rue, comme ça. Comment ça ? Bah, comme les pigeons ici, elles donnent du grain, comme ça. Non, en plus, vous n'avez pas passé votre enfance au Cameroun, vous étiez dans le Val-de-Marne. J'essaie de donner un peu d'exotisme à l'émission, mais je n'ai pas... a dit « L'homme n'est pas fait pour travailler, la preuve, c'est que cela le fatigue. » Pierre Dac. Non. Henri Salvador. On la connaît, cette phrase. Oui, hein. Mais qui en est l'auteur ? Henri Salvador, ou il serait que le travail, c'est la santé, l'important, c'est de la conserver, ça pourrait être Henri Salvador, mais c'est bien plus ancien. Clémenceau. Clémenceau, non. Vous pouvez le répéter, je m'excuse. Oui. J'étais encore sur le rire du public. Est-ce que c'est un français qui a dit ça ? C'est un vieux grec qui a dit ça. Je vais vous répéter la phrase, Chantal. L'homme n'est pas fait pour travailler, la preuve, c'est que cela le fatigue. Est-ce que c'est un français ? Oui, c'est un français. Des proches ? 19e. Des proches, non. Alphonse Allais. Alphonse Allais, non plus. Balzac. Balzac, non. Voltaire. Voltaire, bonne réponse de Christine Bravo. C'est C'est bien, Christine. Ouais, vous, vous démarrez bien l'émission. Ouais. Puis un auteur inconnu comme ça, c'est toujours difficile à trouver. Non mais c'est vrai, c'est vrai, c'est étonnant. Je croyais que c'était beaucoup plus récent comme phrase. Eh bien non, c'est une drôle. Phrase de Voltaire. C'est pour ça que je l'ai choisie, parce que c'est vrai qu'on aurait pu imaginer que c'était plus proche de nous. L'homme n'est pas fait pour travailler. La preuve, c'est que cela le fatigue. C'est bien de Voltaire. Il est souvent cité d'ailleurs dans l'émission. Hein. Voltaire. Ah oui, vous le citez. Vous, trouvez... vous l'aimez bien. Hein. Ah vous trouvez. Ah oui, je le... à chaque fois il est cité. Donc j'ai mis dans un petit coin Voltaire à dire de temps en temps. Bah alors pourquoi vous le dites pas? Eh ben elle m'a volé la réponse. Comment ça m'énerve l'autre blonde là. Une autre citation, une citation pour Ève Boleg, qui habite Bayonne. Ma théorie de base est que l'être le plus digne est ridicule au moins deux fois par jour. Ah, c'est vieux aussi ça. C'est pas mal, hein. Ouais. C'est très c'est beau. C'est plutôt vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ah, on est tous à peu près ridicules une ou deux fois par jour. Ah, oui. Mais bien sûr que quand on va, Jean-Marie, c'est 200 fois. C'est, ça. Et c'est un Français. Ce n'est pas un Français. Bob Dylan. Bob Dylan, non. Woody Allen. Woody Allen, non. C'est un Américain. Alors, naturalisé Américain. Ah. D'origine italienne. Mais pas d'origine italienne. Chaplin, non. Alors, naturalisé Américain. Il était anglais d'origine? Non. Il était russe? Des pays de l'Est. Peter Ustinov? Peter Ustinov, non. Des pays de l'Est. Tolstoï? Tolstoï. Alors, Tolstoï, ma culture n'est pas non plus. Il n'est pas naturalisé américain. Mais Tolstoï, je crois, n'a jamais été naturalisé américain. Oui, mais je peux me tromper. Je crois. Je suis resté sur le russe. Vous auriez dû rester sur Voltaire. Mao Tse-Tung. Mao Tse-Tung. Allons-y. Hein. Oui, elle a ouvert la brèche. Hein. Vladimir Nabokov. Non, non, non. En fait, j'ai choisi cette citation parce qu'hier, je voulais en savoir un peu plus sur lui, parce que j'ai regardé un film hier et c'est ce film qui m'a fait. C'était évidemment... quoi comme film? Ah ben... C'était une biographie de cet Alfred homme. Alfred Hitchcock. Non, c'était signé de cet homme. Ah, donc c'est un réalisateur. C'est un réalisateur. John Ford. John Ford, non. Alors... Sur France 3, non? Quoi sur France 3? Votre film. Toutes les vieilles ont la chaîne bloquée sur France 3. Je comprends pas bien votre question, non, Chantal. Non, votre film, il y a quoi? Vous regardiez un film sur France 3? Non, c'était un DVD, pas de chance. Mais vous regardez votre DVD sur France 3? À part si vous étiez chez moi, vous pouvez pas trouver le film, vous voyez. Est-ce que ce serait pas Billy Wilder? Du tout. Otto Preminger. On se rapproche. Ah. Orson Welles. Orson Welles, non. Quand vous dites qu'on se rapproche avec Otto Preminger, c'est Monsieur Cadillac ou Monsieur... Non. Monsieur Peugeot. Monsieur Peugeot. Non. Kinski. Anatole Litvak. Non. Non. Oh là là. Un grand réalisateur, un maître dans le genre. Orson Welles? Non, non. J'ai déjà dit, t'es sur d'une oreille ou quoi? Il est... On a bien dit qu'il était mort, non? Ah oui, oui, ça pourrait être mort. Il a fait genre une centaine de films. Ah, il a fait beaucoup, beaucoup de films, même du temps du muet. Formel. Alors, c'était un film comique, un film dramatique? C'était plutôt romantique, amusant. Ah, vous êtes romantique. Moi qui évite son lèvre. Une comédie romantique. Ernst Lubitsch. Ernst Lubitsch, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Qui était hongrois. Allemand. C'est le film sur Hitler, la comédie sur Hitler. Non, c'était Rendez-vous que j'ai regardé. Ah, je le connais pas, celui-là. Oh, si, vous connaissez sous un autre nom, The Shop Around the Corner. Ah oui, bien sûr. Ah. La boutique au coin de la rue, ça s'appelait Rendez-vous au départ. Ah, ça, et Ernst Lubitsch était une vedette du comique allemand avant de partir aux États-Unis et de devenir un grand réalisateur. Il était une sorte de Chaplin allemand. Mais les comiques allemands ont continué d'ailleurs après lui, après son départ, ils ont continué à être assez comiques. Ah, non, mais... Lui... Lui, il est mort en 47 à Bel Air, à Los Angeles. Oh. Grand réalisateur. Hein. Le film est extraordinaire, le film ah bon que j'ai vu. Ça raconte quoi? Avec James Stewart. Qu'est-ce que ça raconte? Ah, oh, bah, ils travaillent dans la même boutique, l'un et l'autre. Ils s'écrivent. Elle a envoyé une petite annonce. Lui a répondu. Ils sont amoureux sans jamais s'être vus, évidemment. Bah, c'est un grand classique. Hein. Ça a été repris. Oui. Il y a eu des tas de remakes depuis. Et elle ne sait pas que c'est lui. Il ne sait pas que c'est elle. Ils se détestent dans la boutique dans laquelle ils travaillent. Mais il y a aussi toute une analyse de la société, des employés, du patron de cette boutique. Non, franchement, c'est très réussi, je vous le conseille. Vraiment, bon flétré. Je peux vous louer. Vous avez une grande DVTech alors? De temps en temps, j'achète un classique comme ça que j'aime bien. Moi, je ne sais pas faire marcher mon magnétoscope, j'aimerais bien. Plusieurs fois, j'ai cru voir un film, vous avez vu le film qui s'appelait Rendez-vous? Oui. Moi, souvent, je le vois, il s'appelle Rendez-le. Mais c'est quand je loue un DVD à la DVDTech à côté de chez moi. Il n'était pas un peu de la jaquette, James Stewart? Ben, je. En tout cas, ce n'était pas écrit sur la jaquette du DVD.

je sais pas si vous avez déjà porté un scaphandre. Mais oh. Si vous... Oh, bah oui, ah oui, ça, vous avez déjà porté un scaphandre. Bah oui, bah, oui. Bah, tout le monde a déjà porté un scaphandre. Mais si vous portez un scaphandre, alors comment, vous devez savoir, comment s'appelle le tuyau pneumatique flexible qui alimente le scaphandrier en air? Et on peut savoir à quoi ça, ça nous sert. C'est un rapport à quoi? Il y a une exposition sur les scaphandres? Non, pas du tout. Vous allez comprendre très très vite. C'est un rapport avec Jules Verne? 20 000 lieues sous les mers? Ah bah non, mais non. Qu'est-ce qu'elle raconte? Le tuyau, ça ne peut pas s'appeler 20 000 lieues sous les mers. C'est un nom connu pour quelque chose d'autre. C'est le très long tuyau. Le macaroni. Écoutez, il pourrait être 20 000 lieues. Le macaroni. Ça, vous voyez, c'est malin. Il réfléchit, Gueluc. Mais non, mais moi aussi, un tuyau de 20 000 lieues sous les mers. Le scaphandre, il va bien profondément. Oui, d'accord, mais. Ouais, on ne va pas appeler un tuyau 20 milieux sous les mers. Vous connaissez tous ce mot, sauf que vous ignorez qu'on appelle aussi ainsi le tuyau pneumatique flexible qui alimente le scaphandrier en air. Est-ce qu'à l'instar du macaroni, c'est quelque chose qui est creux? Alors évidemment, puisqu'on souffle dedans où on respire. Une bite. Oh, mais non, pas une bite. Non, on souffle pas. On souffle on pas. On souffle pas. On fait ce qu'on veut. On souffle de temps en temps. Mais non, la bite, c'est le truc qui se trouve sur le port. Sur le quai. Bien sûr. Sur le quai pour attacher les bateaux. Et tu sais pourquoi ça tient si bien? Parce que la traction est énorme. Parce que sous le quai, on ne voit pas, il y a deux grosses couilles d'un Alors, on cherche un tuyau. J'ai honte. Mais vraiment. Les scaphandriers le savent mieux que quiconque. Bon, alors, imaginez, vous êtes scaphandrier. Ouais. Vous voyez bien le morceau de tuyau pneumatique. Oui, oui, ça a un nom à double sens. Alors, le tuyau d'arrosage. Non. Mais non, on s'arrose pas. La lance. Ça s'appelle le joint. Le joint, non, mais voyez, on se rapproche. Parce qu'on tire dessus. Ouais. C'est pas le joint. Réfléchissez un peu dans l'actualité. La clarinette. Christian Morin est mort. Non. C'est vrai? Comment ça, réfléchissez dans l'actualité? Eh bien oui, parce que toutes les questions, chère Ellie, ont un lien avec l'actualité. Ah, bah fallait me le dire, j'aurais trouvé. Ah oui, bah alors. Le Wally, c'est Futuna. Mais non. Le Trump. Non, pas le Trump. Le Royal. C'est pas le Wallis. Non, c'est pas le Wallis. Le remaniement. Non. Alors, attends. Le singe. Réfléchissez. Le singe. Visuellement, réfléchissez. Ah oui, mais t'as les réponses, toi. Réfléchissez, t'es marrant aussi. Il fait son malin, il a mis en plus des trucs pour pas qu'on copie. La paille. Ah oui, vous avez vu, hein? Bah oui. Ça s'appelle la barrière anti-Titoff. Oui, c'est un tricheur. La paille. La paille, non. Alors, est-ce que c'est plutôt dans le monde animal? Parce que d'ailleurs, au départ, c'était une paille, et c'est ainsi qu'on a appelé cette paille, parce que c'était dans la noix de coco. Un chalumeau, non. Quoi, c'était dans la boîte de noix de coco? C'était dans la noix de coco. Avant, il y avait des pailles dans les noix de coco. Oui. La noix de coco pousse avec une paille. C'est bien connu. Mais quand vous aspirez dans une noix de coco, vous utilisez bien une paille. Ben c'est ainsi aussi. Bambou. Non. Une Hollande. Si vous savez comment on dit noix de coco en persan, eh bien vous aurez. Ça c'est de la tarte. une sarbacane. Une flûte. Une flûte. Non, mais voyez, elle est maline, Ariel. Oui. Bien sûr. Non mais attends, elle est maline. Beaucoup plus que bravo. Une traversière. Une scie sauteuse. Alors elle a dit 20 000 lieues sous les mers et elle est maline. Ah bah d'accord. Un saxophone. Un stylo. Un saxophone. Non, réfléchissez dans l'actualité. Et oui. Bon, vous voyez l'actualité qui concerne quoi? Parce que l'actualité c'est tellement mondial. Et justement, tellement le foot. Un djihadiste. Vous voyez un tuyau. Je sais pas. C'est un rapport à l'Angleterre. Une trompe. Il vous reste 30 secondes, on va pas quand même distribuer encore 300 euros. Laurent, quel domaine de l'actualité plus particulièrement non, politique. C'est pas politique. À moi de vous le dire. Une Merkel. Bah si, c'est politique. Mais non, mais jungle. Mais non, mais c'est pas. Mais ça a quand même un lien avec le côté visuel du tuyau. Réfléchissez. Bah la trompe, c'est pas. Mais mal. Non, pas la trompe. Une pipe. 300 euros pour Stéphane Jacot qui habite Vélorcé. Le tuyau pneumatique flexible qui alimente le scaphandrier en air s'appelle le narguilé, bien évidemment. Ou chicha, évidemment. Oui, mais pourquoi l'actualité? Pour Sylvain Aurier. Pour le footballeur. Pour le footballeur qui s'appelle pas Sylvain, il s'appelle Serge. Oui, c'est pareil, il s'appelle Aurier. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, aujourd'hui. Son pote est en train de fumer une chicha. Exactement. Ah, d'accord. Et lui aussi. Ah, ouais. Et effectivement, une noix de coco en persan, ça glace dit narguile. Et c'est de là que vient la paille, le narguilé, le morceau dans lequel on aspire, où on souffle, vous faites ce que vous voulez avec, mais en tout cas... très élaboré. Ça s'appelle chicha, ça s'appelle narguilé. Évidemment, au départ, c'était pour fumer le tabac, le narguilé, mais on appelle comme ça aussi le tuyau pneumatique du scaphandrier, okay. Du scaphandre, si vous préférez. 300 euros pour Stéphane Jacquot. Une question cinéma pour Éric Johem qui habite Sainte-Soule en Charente-Maritime. Je vais vous donner le nom d'un écrivain, américain qui s'appelait James Malham Kane. Et monsieur James Malham Kane a eu la chance de voir son premier roman adapté plus de 4 fois à l'écran. Et la première fois d'ailleurs, c'est Michel Simon qui jouait dans un de ses films. Quel est le nom de ce premier roman? Il en a écrit d'autres après, hein, évidemment. Le premier roman de James Malham Kane qui fut adopté plus de 4 fois à l'écran. C'est un Américain? Un Américain, oui. Alors, Michel Simon, Ubu sauvé des eaux. Non, Boudu. Boudu. Boudu. Alfred Jarry. Ah bon. Boudu roi. Vous dites souvent un mot pour un autre, j'ai remarqué, Ariel. Ah, c'est vrai. Oui, oui. Ça switch. Parce que c'est monsieur Julio qui a joué dans Boudu, oui. La version plus moderne avec Gérard Depardieu. Oui. Donc c'est pas ça. Il a brillé d'ailleurs. Bravo. Il était temps que quelqu'un te le dise. James Malham Kane. C'est pas le vieil homme et l'enfant. Non, il a écrit un bouquin, mais alors vraiment connu de manière internationale. C'est son premier roman. Et je vous demande donc quel est le titre de ce premier roman. Il a écrit en 1934. Ah. Roman qui a été adapté, mais plus de 4 fois à l'écran. Est-ce qu'il en a écrit d'autres après? Et alors seulement 2 fois, d'ailleurs, le film portait le même titre que le roman, mais par d'autres fois. D'ailleurs, c'est le cas pour le film avec Michel Simon, qui fut la première adaptation. Là, ce n'était pas le même titre qui avait été conservé. Récemment, il est ressorti? Ah, il est sorti. Écoutez, la vraie dernière version date des années 80. Et la version avec Michel Simon date de... Oh, bah alors là, elle date de 1939. Oui. Vous voyez, 5-6 ans après, la sortie du roman. Pas drôle de drame, le mec? Drôle de drame, non. C'est un livre social? Tout le monde connaît évidemment le titre de ce film. On trouve l'histoire. Un titre très célèbre. Une histoire d'amour? Histoire d'amour, oui, ça c'est vrai. D'ailleurs, il faut le dire, même Visconti, quand il a réalisé Les Amants Diaboliques, s'est inspiré de ce livre, même si le livre n'était pas mentionné au générique. Ah, donc c'est une histoire d'amour difficile. Ah oui, quand même. J'ai jamais vu d'ailleurs ce film, pour tout vous dire, moi. Oui. Ah oui. Ça s'appelle Les Quelque Chose? Sur 4 versions, ça m'a jamais tenté. Ah d'accord. Il y a un nom de femme dedans? Non, pas du tout. Un nom d'homme? Non. C'est les quelque chose? Non, mais c'est une phrase très très connue. Ah, c'est une phrase. Une phrase. Les oiseaux vont mourir au Pérou. C'est vrai qu'on l'utilise tout le temps. Je vous ai dit, tu sais quoi ce matin, connu, les oiseaux vont mourir connu. Au Pérou. Je me souviens, Ariel, que la première fois que vous êtes venu ici, je vous ai dit, vous savez, pour vraiment être adopté aux grosses têtes, il faut dire des conneries. Faut pas hésiter. Faut parler très vite sans réfléchir. Enfin, il y a des limites. On remarque avec son mari, elle est entraînée. Mais c'est Romain Gary qui a fait ça. Non, c'est pas Romain Gary. C'est pas Fric Frac. C'est une phrase. Non. Une phrase qui aurait une sorte de morale. Ah, pas du tout. Et la phrase parle d'amour. Non, la phrase parle pas d'amour. Nous irons tous au paradis. Ah, c'est bien ça, voyez, Ariel. Mais c'est pas ça. Ah bon. La vie est un long fleuve tranquille. Non plus. Mais pourquoi vous pensez je donne ma langue au chat. Il vous reste 30 secondes pour trouver le titre de ce roman américain. Alors évidemment, si je vous disais quels sont les acteurs... Il y a Jouvet dedans ? Ah, non, là, c'est la version de 1980 qu'on verra. Donc, on a... Non, mais si je vous dis les deux acteurs américains qui jouent dedans... Ah, non. Et le titre du roman du film américain, c'est le nom du roman. Ah oui, oh, oui, c'est quasiment la traduction littérale. Quand Harry rencontre Sally. Non. Écoutez, voilà déjà 300 euros pour monsieur Éric Johem ou Johem de Sainte-Soule en Charente-Maritime. Et le film avec Jack Nicholson et Jessica Lange, c'est évidemment... C'est le facteur sonne toujours 2 fois. Et voilà, mais c'est trop tard. Le facteur sonne toujours 2 fois, évidemment. Mais Michel Simon, ça s'appelait comme ça aussi? Pas du tout. Non, ça s'appelait le plombier arrive de ça s'appelait le dernier tournant. Oui, très compliqué. De Pierre Jeunet, ça rappelle bien. Mais je vous ai dit, il y a eu aussi Les Amants Diaboliques. Il y a eu Les Diaboliques aussi. Oui, mais ça n'a rien à voir. Mais le facteur. Il y a eu Diabolo aussi. Diabolomante, oui. Alors, il y avait une scène torride d'ailleurs dans ce film. Exact. Avec Jessica Lange. Sur la table de cuisine. Ouais, on se demandait s'ils avaient vraiment fait ou pas l'amour. Vous avez déjà fait ça sur la table de cuisine? Alors, pas au cinéma. Avec le facteur. Ah, bah, dès que le facteur arrive avec son recommandé, hop là! Il glisse la lettre dans la pente. Toujours! L'important, c'est que ce ne soit pas un colis. Ça veut dire... ça veut dire quoi, d'ailleurs, le facteur sonne toujours deux fois? Je ne comprends pas le titre. Parce il que a le mec peur est des sourd. Chiens. Quoi? Les propriétaires de la maison sont sourds. Vous n'avez pas vu le film non plus, Ariel Dombal? Si, je l'ai vu. Je l'ai vu. Et non, mais j'essayais de penser pourquoi sonne deux fois. Mais c'est vrai que bien des gens ont une certaine manière de sonner la porte pour qu'on les reconnaisse à la porte. Ouais. Sache que alors c'est que, eux. Pour qu'on sache ah que ouais, c'est mais eux. Deux fois, ça me semble pas un signal ben très si, très distinctif. Ring, ring, c'est pas mal. J'avais compris, c'est ce que alors je voulais dire. Alors qu'on aurait pu faire drôlin, drôlin. Non, mais quand vous arrivez chez vous, vous sonnez une ou deux fois. Ah bah, il a la clé. Si c'est chez vous, vous sonnez pas, Ariel. À moins de prévenir qu'on arrive. Et qu'il faudrait se rhabiller très très vite. Ah mais d'ailleurs, c'est votre vrai nom, Ariel de Sonnerie, je crois, non? Oui, Ariel Sonnerie de Fromental, c'est mon vrai nom. Et vous voyez, elle s'appelle Sonnerie, elle trouve même pas que le facteur sonne toujours deux fois. C'est vrai, là je suis. Non. Mais vous, vous sonnez comment alors, finalement? Je vous ai pas sonné, toujours est-il. Non mais je dis ça parce que j'ai eu un petit coq, c'est peut-être une incidente, mais j'ai eu un petit coq, j'ai gagné un poussin dans une foire qui a grandi. Voilà, qui a grandi. Je comprends pourquoi et... son film s'appelait Opium. Ainsi se termine notre voilà. émission d'aujourd'hui. Et il sonnait combien de fois, lui? Et alors, quand je revenais de l'école, pour justement signifier à mon petit coq que je revenais, je faisais tin-tin-ti-ti-ti. Voilà. Comme et ça. Lui, il répondait coin-coin-coin-coin. C'était un coq qui était canard, en fait. Et le petit coq qui était au fond du jardin venait en courant, parce qu'il reconnaissait en effet que c'était moi qui arrivais. La vie dans le Connecticut. Mais vous savez ce qui compte? Oui. C'est de mettre le doigt où t'habites. Alors, donc, vous avez eu un petit coq. Un petit coq. Que vous aviez gagné à la foire. Comment on gagne un coq à la foire? Non, mais en fait. Un poussin. Un poussin. C'était un petit poussin. Mais justement, tout le monde gagnait, tout ça. Et puis moi, j'arrivais pas à voir le petit poussin. Alors, je suis restée tout près du type qui les distribuait. Il fallait gagner. C'était une loterie. Moi, j'arrivais jamais. Je perdais. Alors, à la fin, je lui dis, ay, por favor. Mais je suis restée au moins 3 heures presque à genoux. Parce qu'il parle espagnol devant le stand. Elle était partie au Mexique. Elle se faisait passer pour une sans-papier mexicaine pour l'avoir. Et alors, je me souviendrai toujours. J'étais là. Je lui poser la question de si on n'a pas le droit de donner les petits poussins, il faut les gagner. Mais moi, j'en voulais un, j'avais plus d'argent. Donc, je suis restée. Et finalement, il me l'a jeté comme ça. Mais tiens, voilà. C'était une balle de tennis. Voilà. Et j'ai eu mon petit poussin. C'était le père de Raphaël Nadal. Et comment il s'appelait, ce petit poussin? Comment tu l'as appelé? Alors, il s'appelait Tic Tac. Alors, puisqu'on parle gallinacés, je vous rappelle que j'ai 3 poules qui me pondent un œuf chacune et qui s'appellent Foresti, Robin et Le Mercier. Ah, c'est pas vrai? Oui. Non. On est contents de ne pas y être. Les intéressés le savent, monsieur. C'est de l'amitié, c'est de l'affection. Et elles se prennent le bec tous les matins? Non, mais c'est Robin le chef, ça, je peux le dire. Robin, c'est le petit coq. Non, c'est une jolie poule rousse. Oh, et puis de toute façon, j'aime pas sa mentalité, le coq. Pourquoi vous n'aimez pas la mentalité du coq? Je trouve il est arrogant. Mais il fait le chef dans la basse-cour. Il fait le chef, mais il est super gentil. Moi, j'ai bien observé les basse-cours. Et ce qui est mignon, c'est que quand on jette le grain. Alors, les poules n'ont pas le droit de manger. Ah, voilà, il faut attendre que le coq goûte. Eh ben, c'est ce qu'il dit. Et qu'ils disent. Méfiez-vous, allez-y. Elle va vous prendre votre place sur M6, elle. Hein. Ce serait drôle. Ce serait non, drôle. Mais le ferme. Coq, il protège ses poules, c'est-à-dire qu'il prend le grain pour savoir si c'est comestible. Non. Surtout, non. Il fait ça pour les attirer. Oui. Les poules viennent autour et il les regarde. Il les mate. Et dès qu'il en a envie d'une, hop, il saute dessus. C'est comme quand t'invites une meuf au resto pour la baiser derrière. Retrouvez les grosses têtes de Laurent Ruquier à chaque instant sur RTL.fr. RTL, il est 1h. 24 heures d'info avec Alexandre de Saint-Aignan. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, la Coupe du Monde.